Prenons le cantique de vos cinq cohortes. Sainte cohorte. On va voir des soldats faire une santé. Le sang. C'est quel numéro, frère? 204. Numéro 204 dans le champ de victoire. De vos saintes cohortes. De vos saintes cohortes, soldats du roi. Que Dieu vous bénisse. Vous saluer alors. Matin, tu as couché. Hein? Donc, moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous et puis vous ouvrez les Bibles. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Il vous a dit bonsoir, non? Bonsoir à tout le monde. Vous avez remarqué que papa a enlevé son gilet par rapport à l'an. Vous voyez qu'il est nécessaire qu'on commence tout comme ça, on finit également tout, n'est-ce pas? Ouvrons donc la Bible. J'ai entendu dire qu'on vous a menacé qu'on va venir vous ramasser ici, vous tous. Que vous n'avez pas l'autorisation pour fonctionner. C'est ça. On est encore venu vous prendre là. Donc, notez Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Néhémie chapitre 1. Vous avez noté Néhémie chapitre 1. Notez Josué, chapitre 18, le livre du prophète Josué. Chapitre 18. Hébreux, chapitre 4. Notez aussi Hébreux, chapitre 11. Jean chapitre 4. Je vous donne cela et parle. Sinon, on va prendre un passage là. On pourra enseigner quelque chose. Jean chapitre 4. Jean chapitre 14. Jacques chapitre 1. Verset 18 à 23. Jacques. Chapitre 1, verset 18 à 23. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Nous allons prier pour... J'espère que vous dire que vous priez pour le Cameroun. Priez pour ceux du Nord et pour le frère Hervé, parce qu'il va voyager pour le Nord. Il va rentrer au Nord. Rencontrer les frères, il va célébrer la scène là-bas avec les frères du Nord. Et il va apporter les Bibles ainsi que les contributions que les frères dans le monde entier ont voulu s'imposer pour ceux du Nord. Parce qu'ils ont écouté, ils ont compris le besoin pressant qui est là-bas. Ils ont envoyé des moyens pour pouvoir trouver une centaine de Bibles pour ceux du haut. Et ainsi que son billet d'avion. Donc, frère, va prendre ton billet d'avion. C'est bien fait le jour de ton départ et le jour de ton arrivée. Dieu te bénisse. Donc quand tu vas arriver, tu leur dis que Ça n'a rien à voir avec le frère Junior, que lui, il ne travaille pas. Que ce sont les frères qui sont dans le monde entier qui ont entendu leur cri et ils ont fait cela. D'accord? Je crois que la Bible sera disponible demain, tu pourras chercher et puis bon voyage. Et vous autres, priez pour lui. J'aurais souhaité qu'il parte avec un frère ici, mais il ne sait pas qui est disponible. Il faut que vous alliez, vous voyez les gens qui servent le Seigneur. Et vous voyez comment le Saint-Esprit peut utiliser. Et je prie donc que tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre contribué à cette œuvre-là, que leur Dieu qu'ils servent et le Dieu qui se manifeste là-bas puisse accomplir dans leur vie tout ce qu'il aura voulu pour eux. Donc, en parlant que vous êtes dans votre prière, priez pour votre conducteur qui va y aller. J'aurais souhaité qu'il aille avec un frère ou même avec son épouse. Mais le voilà maintenant, il a mis son épouse enceinte. Comment on va faire? Donc, que le Seigneur t'accompagne, frère. Avez-vous des questions avant qu'on commence avec ce passage-là? Oui, mon cher. Bonjour. Mais au niveau de l'hymne national camerounaise. Je veux la question biblique. Okay. Il veut quelque chose dans la Bible. Laissez-moi des jours café. Quelle est la différence entre cantique, louange et adoration? La différence entre. La différence entre. Chant de cantique, chant de victoire. Louange et adoration. D'abord, tu as écouté l'enseignement sur l'adoration qu'on a fait au Gabon. C'est que ça que l'adoration. Moi, il y a tout un enseignement là-dessus qu'on a fait. Vous voyez, vous n'écoutez pas. Donc, quand tu prends en position cet enseignement-là, on a fait ça au Gabon. Nous sommes en quel mois? Nous sommes en mars. On était au Gabon. Je ne sais pas en quel mois on était au Gabon. C'est publié du coup. On a fait quoi? Je crois que si la porte ne se ferme pas, vous laissez, vous mettez tout simplement quelque chose là. Donc, procurez-vous de cette enseignement. De la même façon, comme j'ai toujours dit ici, la différence entre les préceptes, la loi, les commandements. Il y a la différence entre louange. De toute façon, quand vous voyez louange, cantique, adoration, ça veut dire que c'est différent déjà. D'accord? Un peu, c'est exactement cette chose-là. C'est un peu comme évangélisation, prêcher, exhorter. Il faut des enseignements là-dessus. D'accord, mon cher? Donc, premièrement, procurez-vous de cet enseignement que nous avons fait au Gabon concernant l'adoration. Parce que vous demandez à quelqu'un, je dis que c'est quoi l'adoration? Il va dire que c'est le chant qu'on chante doucement. C'est-à-dire que le chant chrétien, qu'on chante en calme. Ça, de la qualité, quand on dit ferme tes yeux, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Alors, frère, nous allons parler au Seigneur, frère. Amen. Savez-vous que vous avez dit Amen, vous venez d'adorer. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc, ça dit que si vous adorez, quand vous dites Amen, vous adorez le Seigneur. Si vous dites Hallelujah, vous l'adorez. C'est ça, n'est-ce pas, mon cher? Le frère, c'est ça, vous ne ferez pas ça. Ça il me regarde comme ça, là, vous dites que qu'est-ce qu'il raconte là-bas, qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce que la Bible dit. Mais c'est que nous appelons adoration aujourd'hui. Si vous allez dans la Bible, vous ne verrez pas cela. Parce qu'on est à l'habitude des instruments. Les instruments, c'est-à-dire que on a quitté le monde avec. Il y a le mitumbu, la kate, qu'on dit on coule la sueur à la fête. À un moment donné, on fait le slow. C'est pour ça que vous voyez chaque tio, le baptême, le mariage. Il y a le moment où on dit que à la piste, tout le monde à la piste. On se gâte. On dit non, c'est le tour de haut. Est-ce que vous avez vu le tour de nous? On met les musiques dansantes. On met les musiques, ils appellent ça le slow. Donc il y a le slow chrétien. Vous demandez à un chrétien maintenant que qu'est-ce que c'est que l'adoration? Il dit que c'est le slow chrétien. C'est la musique qu'on chante doucement. Vous devez prendre un seul verset dans la Bible. Un seul verset dans la Bible et vous montrer ce que l'on est, d'accord? Et puis on va revenir. Vous pouvez prendre cet enseignement là et puis suivre. Les enseignements sont disponibles. Vous ne prenez pas. Apocalypse. C'est le dernier livre là. Apocalypse chapitre 19. Tout le monde y est. Priez pour le Cameroun. D'accord, frère? Priez pour le Cameroun. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez jeûné. Priez pour le Cameroun. Verset 1, à partir du verset 1, on va lire, on va arriver à ce passage-là. Tu es dans l'Apocalypse, chapitre 17, là, mademoiselle. Il dit chapitre 19. D'accord? Apocalypse, chapitre 19. C'est Apocalypse, chapitre 17, 18, 19. On a vu la partie du verset 1. Apocalypse, chapitre 19, partie du verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant des serments. » Écoutez bien verset 3. « Et il lui dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. » Verset 4. « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant. » Ils adorent en disant. En disant. Alléluia. On dit que voilà comment, quand ils sont mis à genoux, ils n'ont pas dit « We worship you, my Lord. » You are worthy to be praised. C'est pas ça qu'il a fait. La Bible déclare, quand ils sont prosternés, ils ont adoré celui qui est assis sur Dieu, qui était assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Amen. Donc, si vous lisez Jean chapitre 4, dont je vous ai donné là-bas, vous voyez que cette même confrontation a eu lieu. Quand la femme samaritaine a dit que vous dansez, vous chantez avec les trompettes là-bas, que nous chantons les slow sur les montagnes. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Jésus a dit que c'est pas comme ça qu'on adore. C'est pas ça. Il dit chez vous, c'est la musique d'ambiance. Que vous, je vous aimez trop la musique d'ambiance. Jésus a dit que vous, quelle musique d'ambiance? Il dit Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit. Parce que le Père est esprit. Et Dieu, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, ou ce ne sera pas là-bas ou ici qu'on va adorer le Père. Dieu cherche les adorateurs en esprit. C'est grave. Je crois qu'il veut venir plus. Il faut qu'on voie totalement la. Laissons-nous gouverner par. Il y a des enfants qui sont en train de bouger la chaise là-bas. Quand vous faites, pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train d'avoir capté s'il y a des situations ici. Mais si j'ai des bruits, ça me déconcentre ça. Donc quand quelqu'un fait avec le stylo un petit bruit comme ça, ça me déconcentre plus que le bavardage. Les petits bruits, ou bien que vos pieds soient en train de bouger, ou bien la table soit en train de faire un petit bruit comme ça. Ça. Comme ceci. Ça. Donc, ça me déconcentre à l'intérieur. Il faut donc que le calme se retrouve. Vous voyez, ça c'est bruit là. C'est parce que ça, si vous bavardez, ça ne me dérangera pas comme ceci. Parce que vous me dérangez, vous bavardez, ça va toucher ici. Mais l'autre ici, ça entre dedans. On peut avancer. Donc frère, il faut procurez-vous des enseignements. Procurez-vous des enseignements, c'est disponible. Procurez-vous des enseignements, vous écoutez. C'est curieux que les gens qui sont à l'extérieur connaissent ce qui se passe ici mieux que vous. Il y a des gens parmi vous qui ne savent même pas ce qui s'est passé quand nous étions à Garoua. Et nous sommes ici, vous êtes face à face avec moi. Pas étonnant que cette grâce-là soit à l'extérieur maintenant. Pas étonnant. D'ailleurs, il y a des questions. Oui. Toujours passé dans le même volet. Oui, quand il y a un psaume 150, il nous parle ici que. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Mmh, mmh, mmh. C'est pas seulement là-bas. Continuez. La question, c'est quoi? Ce qui me dérange, c'est que, mais comment, quand on parle de louer, on ne loue pas souvent avec d'autres blessés, peut-être, c'est comme la Bible demande cela, ils prennent d'autres trucs artificiels pour. Qui ça, frère? Ils prennent d'autres dénominations. Bon, tu les connais. Est-ce que tu les connais? Je peux dire que je les l'ai. Je l'ai pour toi, pour. Tu l'as côtoyé, non? Oui. Mais rentre là-bas. Tu peux avaler ces sons parce qu'entre temps, les sons n'ont pas changé. Tu vas vers eux. Tu leur poses cette question. Parce que moi, tu ne peux pas poser la question. Moi je ne peux pas comprendre ce qu'eux, ils ne comprennent pas. Va vers. C'est mieux parce que là, tu es en train de pécher. Tu es en train de les calomnier. Va vers. Calomnie pas. Tu les calomnies parce que la Bible déclare que si quelqu'un a un péché, va, reprends-le. Donc, va avec lui là-bas. Je dois le reprendre comment quand je ne sais pas comment je dois le reprendre. Non, tu peux me poser cette question. Tu me poses la question. Mm-hmm. N'essaie pas de tourner. Quand tu tournes avec moi, ne tourne pas. Va lire le psaume 150 avec eux. Parce que c'est toi qui as dit que c'est des choses artificielles. Tu leur poses la question comme ça, je ne comprends pas. Ce que vous faites là, c'est ce qui est le psaume 150, d'accord? Leur réponse, tu vas savoir de quoi est la question. Autre question, qui parle au même volet. Il y a un autre enseignement qu'on a fait avec la Belgique. Le titre de cet enseignement, c'est « Les musiques chrétiennes sont-elles sataniques ?» Fait écouter cela. Dans les enseignements, on n'avait pas. Les gens sont à l'extérieur, ils ont. Vous allez voir toute la différence de toutes ces choses-là. Des questions. Les questions des gens, on va les poser. Les questions d'ici, les questions. Oui. J'ai une question dans 1 Samuel. Frère, pourquoi qu'à chaque fois que je vais poser la question, tu te lèves alors? C'est quoi ton problème? Vous avez remarqué, chaque fois que je vais poser la question, il se relève toujours, non? J'ai une question dans 1 Samuel. Lorsque Samuel doit rendre Saül le roi. Oui. Alors, quand Samuel voit Saül, on dit que, un jour avant, Dieu l'avait dit qu'il t'envoyait un homme de 20 ans. Oui. Et puis, dans l'entretien que Samuel a pu avec Saül, et puis je vais te dire ce qui se passe dans ton cœur. Oui. Dis que, est-ce que c'est le propre de tous les prophètes? Ou alors c'est parce que Dieu avait parlé de Saül un jour avant que l'homme pouvait lui dire ce qui le concernait? Ou alors. Il lui a dit est-ce qu'il lui a dit qu'il va te dire ce que j'ai vu depuis la semaine dernière, ou bien il y a cela un jour? Il lui a dit qu'il va dire quoi? Ce qui se passe dans son cœur. Il lui a alors dit. Concernant les alliés. Est-ce que dans la suite, il lui a dit ce qu'il y a dans son cœur? Il lui a parlé des alliés qui ont été retrouvés. C'est ça qui est dans son cœur, frère. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Qu'est-ce que le prophète est en train de dire? Hein, frère? Il doit lui dire ce qui concerne sa vie. Après, non, mais l'expression qu'il a utilisée, c'est qu'il te dirait tout ce qui est dans ton cœur. Il lui a dit ça. Oui, il a dit ça. Qui est en train de parler, frère? Non, c'est l'Éternel qui parle à travers de donc tu poses la question si l'Éternel connaissait son cœur. Non, je veux savoir si le propre de tous les prophètes. Parce que là, on a dit un jour avant, on avait prévenu Samuel par rapport à Saül. Moi aussi, je n'avais pas prévenu parce que la Bible fait comme un stop. C'est encore la question que j'ai posée. J'ai posé que qui est en train de parler que, et je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. C'est Samuel qui parle à Saül. Ça, c'est Samuel. Le prophète. C'est le prophète. Et qui est le prophète? Le Saint-Esprit. Hein? En fait, c'est l'Éternel à lui. Parce que avant, on dit que l'Éternel avait parlé à Samuel un jour avant concernant Saül. Donc, si Saül parle, c'est ce que l'Éternel lui a dit le concernant. Et comment tu me poses la question? Donc, ça veut dire que Dieu ne connaît pas son cœur alors. Dieu connaît. Mais ça veut dire que si Dieu dit à n'importe qui quelque chose, ça sera comme ça. Si Dieu dit à n'importe qui ces choses-là, ce sera comme ça. S'il lui dit, il peut dire, c'est même pas seulement pour le prophète, il peut te dire ça aussi à toi. N'est-ce pas, mon cher? C'est pas ça, hein? C'est un peu trop beau. Des questions? Posez des questions. Oui, mon cher. La question, c'est quand Christ dit, celui qui ne met d'eau à. Quand il dit, celui qui ne met d'eau et qui ne pourra pas entrer le royaume des cieux. Oui. Et après, je suis plus loin dans Jean. 7. Jean 5. 7. 5. Mmh. À partir du verset 53, il dit, si vous ne mangez ma chair, ça, c'est au chapitre 6, mais cette fois-ci. Vous élevez mon sang, vous ne pouvez que te rembaisser. Mmh. Ces deux parenthèses-là. Mmh. Celui qui est né de c'est la même chose que dans le Saint-Louis, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Comment ça fait? Comment ça veut dire? Parce que si tu peux entrer, on dit que la condition pour entrer, c'est net de nouveau. Mmh. Ou bien si vous n'entrez, pour entrer encore, vous mangez son sang, c'est que ça veut dire la même chose. Mmh. Si tu crois à lui, tu as quoi? Si tu manges ta chair, tu as quoi? Si tu manges ta chair, tu as quoi? Attends. Si tu manges ta chair, tu as quoi? Si tu crois à lui, tu as quoi? C'est que manger, c'est quoi? C'est ça comme si tu crois. Donc tu penses que manger dans sa boire, manger sa chair et boire son sang. C'est comme ma sainte scène. Je veux que ce soit pour moi. Venez me lancer là, j'ai tombé évanoui. Ouais, vous l'avez tué sur la tête. Qu'est-ce que la scène sert à voir là-bas, mon frère? Moi, je ne connais pas, je demande, frère. Oh, tu as là suivi l'enseignement sur la nécessité du nettoyage des déchets issus de dénomination. Tu sais, il y a des problèmes. Il a des problèmes. Donc, ouais, effectivement, il y a des problèmes. Prends ce livre-là. Prends donc, ouvre Jean chapitre 6, c'est au chapitre 6, c'est pas au chapitre 5. Commence à partir verset 36 maintenant. Permets que les gens puissent ouvrir. Oh mon Dieu. Dans ce chapitre-là fait suite de la fin du chapitre 5. Il a rencontré ce groupe de personnes-là et il a multiplié le pain, ils ont mangé. Ils ont été rassasiés. Jésus a renvoyé ses disciples et il est monté sur la montagne de l'autre côté. Et ça a duré, ils attendaient que Jésus-Christ n'est pas descendu. Jésus-Christ a prolongé son séjour là-bas sur la montagne jusqu'à la nuit. Il a traversé les eaux de l'autre côté, là-bas marché sur les eaux, aller les trouver de l'autre côté. Et quand on a vu que Jésus n'était pas là, Ils sont sortis de la barque, aller de l'autre côté. Il n'y a que cette façon de quitter l'endroit là pour aller de l'autre côté, c'est par bateau, pour traverser par bateau. Et ils savaient très bien que Jésus est monté sur la montagne. Donc il n'y a pas une autre route là-bas derrière la montagne pour arriver là-bas. Le lendemain, donc, ils sont venus, donc, ils ont trouvé Jésus là-bas. Ils ont dit, maître, quand est-ce que tu es venu ici? Parce qu'on sait que on t'a vu monter sur la montagne, on t'a pas vu prendre un bateau et tout le bateau était là parti. Ils sont entrés dans ce bateau, aller là-bas. Tout Jésus a dit, mais quand est-ce que es-tu venu ici? Il dit, en vérité, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous en avez été rassasié. Donc le gars, c'était là qu'on s'était que le gars, si on attend, on met ici, chaque jour qu'on a fait, il va douler la nourriture. Voilà pourquoi ils attendent. Jésus donc a commencé à leur montrer clairement qu'il faut qu'ils travaillent pour la nourriture qui ne périsse pas. Donc le pain qu'il voulait leur donner, qu'il leur a donné physiquement, ils ont mangé. Il voulait certifier que c'est sa vie comme ça qu'il va donner pour que les gens croient, pour avoir la vie. Parce que le pain physique, c'est ce qui donne la subsistance. On mange quelque chose pour résister, pour vivre sur cette terre-ci. Tu vois cela? Et donc, lui, sa vie, quand il donne sa vie, vous croyez, vous subsistez pour l'éternité. C'est ça qu'il voulait leur signifier. Ils n'ont pas compris. Et donc, ils ont dit à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? N'est-ce pas terrible? Pour quelqu'un qui venait manger, il y a jusqu'à se rassasier avec ça un peu. Il n'avait plus faim. Juste aussi, il n'avait plus faim. Il pose encore la question, quel miracle fais-tu? Il dit, en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain dans le désert. Il dit, le pain dans le désert, là, la manne qui était, que ce n'était pas Moïse. Puis il dit maintenant que le Père vous donne le pain qui est descendu du ciel. Et le pain qu'il donnerait pour c'est ma vie, son corps. C'est ça qu'il dit donc que si quelqu'un ne mange ma chair, maintenant, lis verset 38, papa, celui-là, verset 38, de Jean, chapitre 6. On ne peut pas lire. Chapitre 6, verset 38. 1, 2, 3, on y va. Car je suis descendu du ciel pour faire ma volonté. Vraiment, laisse faire. Frère, tu peux nous lire ça. Allons-y. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et là, celui-là, il définit quelle est cette volonté. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Maintenant, regardez bien la façon que c'est écrit dans cette Bible-là. Il dit, de tout ce qu'il m'a donné, ça n'a pas de sens. Soulignez ça, vous mettez ce. Au-dessus. Mettez ce au-dessus, là où tout ce qu'il m'a donné. Mettez ce qu'il m'a donné. Continuez dans la lecture. On en relie encore avec cela. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Oui. Mais que je les ressuscite au dernier jour. Continuons. La volonté de mon Père. Écoutez. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça dont il est question à manger. D'accord? Voilà. Parce que là, maintenant, le pain n'est plus physique. D'accord? Il arrive maintenant avec la Sainte-Sainte. Le pourquoi cette doctrine de transubstantiation que les catholiques ont inventée là, au Concile de Latran a infesté les églises pentecôtistes et on enseigne cela. Quand la période de la Sainte-Sainte arrive, les pentecôtistes lisent ces versets alors que ça n'a rien à voir de près ou de loin à la Sainte-Sainte. Continuons. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Oui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit : je suis le pain qui est descendu du ciel. T'entends ça ? Continue. Et il disait : n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il : je suis descendu du ciel ? Donc il a passé quand pour descendre du ciel parce qu'on connaît. Il est né, il a grandi dans la maison là. Ah, vraiment, continuons. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc en définitive, ceux qui vont croire, ce sera ceux que Dieu aura envoyé à Jésus. Amen. En définitive, ceux qui vont ressusciter au dernier jour, c'est ceux que Dieu aura désignés. Donc ils sont nés pour être sauvés. Amen. Continuons. Il est écrit dans les prophètes. Oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc. Quiconque a entendu de Père et a reçu son enseignement vient à moi. Tu parles. Ça va scandaliser encore les Juifs. Continuons. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Subitement, il donne ça, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 63. Il est écrit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Voilà. Donc ici, il est question de croire. Le pain dont tu entends là, dont on va te manger là, ça veut dire qu'il a de croire. D'accord, mon cher? Donc, maintenant, je te pose à toi la question. depuis que tu as cru au Seigneur Jésus, que tu as mangé sa chair. Mangé sa chair. Oui. Oui. Où ça? Parole de Dieu. Ah ben sa chair là-bas. Non. Bon, tu as mangé sa chair. Oui. Comment ça? Quand ça te dépasse un peu. Mais quand tu manges quelque chose, tu ne connais pas ce que tu as mangé. Comment tu peux manger quelque chose que ça te dépasse? Tu as déjà mangé la chair du Seigneur. Oui. Où ça? Un peu de nouveau. Tu as déjà mangé ça une seule fois? Hein, frère? C'est une seule fois. Non, tu as mangé une seule fois, donc tu ne manges plus. Et tu as bu son sang à quel moment? Parce que là, il y a deux choses qu'il a dites. Il a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas vraiment vie en lui, n'est-ce pas? Bon, tu as dit que tu as mangé sa chair et son sang, tu as bu à quel moment? Sang, c'est le Saint-Esprit, non? En quelque sorte. Son sang, c'est le Saint-Esprit. Mm-hmm. Quel est le verset qui le dit, frère? Par révélation. T'as pas révélation. Appelons pour le frère. Donc, il a la révélation que le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, le sang de Jésus, c'est ça nous conduit dans toute la vérité. C'est ça, nos frères? Donc on est purifié par le Saint-Esprit qui a été versé à la croix. Que Dieu te bénisse vraiment pour ton Saint-Esprit. Des questions? Oui. Dans 1 Samuel 16 et 2 Samuel chapitre 5. Mm-hmm. Bon, dans 1 Samuel 16, il est question du prophète Samuel qui prend le roi David, qui prend David pour roi, comme roi. Et dans 2 Samuel 5, nous voyons encore comment les anciens d'Israël. La Bible précise qu'ils ont encore couronné le roi David. Mm-hmm. Bon, j'aimerais savoir ce que le Seigneur veut nous faire comprendre là, parce que de tous les autres rois... Qu'est-ce qui est arrivé après la mort de Samuel? Après la mort de Saül, qu'est-ce qui est arrivé? Ça veut dire que tu as lu, tu as sauté, ce qui s'est passé là-bas. Quand Saül est décédé, David a-t-il régné directement? Qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Qu'est-ce qui s'est passé, frère, après la mort? J'avance. Tu ne connais pas, hein? Il faut préciser, frère. C'est là, bon, il faut... C'est là, qu'est-ce qu'il y a là? Je dis, là, en fait, il faut être... Je ne sais pas, il faut préciser. Saül est mort au combat. Est-ce que David a pris la royauté directement? C'est la question qu'il pose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas pris la royauté directement? En fait, c'est comme... En fait... Ok, je vais poser la question autrement. Pourquoi le peuple a pris David pour le haut de roi? Pourquoi? Pour accepter qu'il règne sur eux. Vraiment? Qui est le premier roi d'Israël? Deuxième roi. Qu'est-ce que le roi? Ok, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Allez donc relire. Donc, Jean chapitre 4. Allons-y. Allez relire dans cela. Jean chapitre 4. Donc, vous pensez que David c'est le deuxième roi d'Israël? Allez bien lire dans la Bible. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir ce qui s'est passé. Vous allez comprendre pourquoi les rois, le peuple ont. Ouais. Des questions encore? Je ne sais pas si on peut aborder un sujet ce soir, c'est lourd sur mon cœur, mais il y a tellement des enseignements ici, première partie. Vous avez lu Jean chapitre 4? Vous avez lu Jean chapitre 4? Vous avez lu Jean, le chapitre 4, où la conversation du Seigneur jusqu'à la femme samaritaine, n'est-ce pas? Oui. Je vous ai demandé de noter Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 11, vous avez noté? Je vous pose une question, vous me répondez, parce que je vais arranger la chose pour avancer dans l'enseignement. Je veux que deux personnes se lèvent, un homme et une femme. Vous levez, vous tenez, je vais prendre un exemple et puis je vais prendre l'enseignement derrière parce que c'est contenu là-bas, mais je ne sais pas comment aborder cela. Je ne vais pas vous poser la question, mais seulement les gens qui vont se poser la question. Non, c'est à ma soeur, t'inquiète pas, ne te bagarre pas. Il y avait deux personnes. Assieds-toi, mon frère. Viens. Tiens-toi de ce côté-là, frère. Il y avait une femme aussi à l'endroit. Il y avait une femme. Avant qu'on va parler de ce qu'il y a dedans, d'accord? C'est dans les Saintes Écritures. Toi, ma soeur, viens. Vous voyez cette soeur, n'est-ce pas? Elle est chrétienne, oui ou non? Oui. Elle est chrétienne, oui ou non? Oui. Le frère, si le frère Yannick. Il est chrétien. Ma soeur Rosette, c'est Rosette. Josette. Josette. Ou Rosette. Josette. Madame la soeur Marcel, elle est chrétienne, oui ou non? C'est pas ça, ma soeur. C'est ça. Tiens-toi directement ici. On va prendre. Madame Tani va fermer, elle est devenue la portière maintenant, le garde du seuil. Tiens-toi ici. Tu vas comprendre l'exemple là. Ouais, ceux-là entrent, ils sont nerveux, ils disent qu'est-ce qui se passe ici? Il est 19h. La soeur Marcel quitte son travail et dit qu'il faut que j'arrive à l'heure. Il faut que j'arrive à l'heure. Ça, c'est dans son pensée. Il faut que j'arrive à l'heure. Seigneur, donne-moi que j'arrive à l'heure. Elle sort de son lieu de service pour se mettre là où le taxi passe. Deux choses lui arrivent. Le taxi passe dans le sens contraire de la zone où elle part, où ça passe pour aller dans sa zone où elle doit aller, mais étant plein. La nervosité commence. Donc, mais elle a fait la prière. C'est quoi, ma soeur? Hein? C'est ça que quoi? Nervosité. La nervosité. Mais elle a prié qu'il faut qu'elle arrive à l'heure. Tout ce qu'elle est, tout, pendant que l'heure est d'arriver de son travail, que ça doit cesser, tout ce qui lui arrive, c'est que sa pensée est ici. Il faut qu'elle arrive à l'heure. Elle prie. Elle, oh Seigneur, Seigneur, envoie-moi le taxi, je veux y arriver à l'heure. Mais il est 19h quand même. Elle se tient en route. Il dit bien le taxi passe dans le sens contraire. Bon, le taxi qui passe quand c'est vide, ça passe dans le sens contraire de là où elle est. Elle est censée descendre à gauche, mais le taxi passe pour aller à droite. Mais les taxis qui passent pour descendre à sa gauche sont pleins. Assieds-toi, ma soeur. Papa Tani, tiens-toi ici. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien? Viens, papa Tani. Je mange ça. Oui, avec toi, ça n'y a pas de problème. Il y a quelque chose dedans. Non, ma Bible. Salut donc tes soeurs et tes frères. Voilà, continue donc à toi t'asseoir. Merci. La soeur veut sortir de sa maison. C'est en saison pluvieuse. Elle veut sortir de sa maison. Elle est chrétienne ou elle n'est pas chrétienne? Elle est chrétienne. Et si elle est chrétienne, ça suppose qu'elle a noué un contact avec le Seigneur. C'est vrai, on dit qu'elle est en relation avec le Seigneur Jésus. Pas vrai? Amen. Elle veut aller quelque part. Elle met le pied dehors. Elle voit que tout le ciel est noir. Ça, c'est en plein jour. Et puis, ça fait boum. Ça veut dire clairement que... qu'il a pleuvoir. Elle entre en parlant qu'elle est s'inquiéter. De là, elle est partie. C'est très important pour elle. Il faut qu'elle rencontre un frère. Ils doivent prier. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Et là, maintenant, elle regarde les actualités météo. On dit qu'à Douala, ça sera grave seulement. La réalité à l'extérieur lui dit quelque chose. La réalité du monde lui dit quelque chose. Elle a vu de ses propres yeux que le tonnerre devait prouver qu'en plein midi, le ciel est noir. Le ciel, là, les nuages sont lourds. Vous me suivez? Elle finit de prier. Seigneur, tu es le Dieu d'Élie. C'est faux ce qu'elle a dit? Non. Tu es le Dieu de Moïse. Jadis, il t'invoqua et tu leur répondis. C'est pas ça, frère? Il dit, et tu as dit, oh Dieu, que quiconque te cherche de tout leur cœur, tu leur réponds. A-t-elle tort? En effet, elle est en relation avec le Seigneur. Pas vrai? Elle a prié le Seigneur. Seigneur, tu as dit si quelqu'un te prie et puis il te cherche de tout leur cœur, tu te révéleras. Oh Dieu, je te cherche de tout mon cœur. Père, comme Élisée, comme Élie, comme je sois, je commande à cette luce de s'arrêter. A-t-elle raison? Elle a bibliquement raison. Oh Seigneur, tu as dit si on prie et qu'on croit qu'on l'a reçu, on verra la chose s'accomplir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Va t'asseoir, ma soeur. Ça, c'est ce que la soeur fait. Et puis elle entre dans la maison, elle prend sa Bible, elle tire son parapluie pour sortir. Est-il son parapluie pour sortir? L'acte qu'elle vient de faire, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Pendant qu'elle priait en bombardant au ciel, si elle est ange au ciel, si c'est les anges qui exercent leur prière, c'est qu'on a dit qu'il y a, les femmes de feu sur. Qu'il y a les femmes de feu sur. Mais dans la pratique, en sortant, elle a pris quoi? C'est pour dire quoi? Comment? Connaissez? Voici le frère. Que Dieu peut la décevoir. Ok. Vous savez, j'aime passer par les exemples comme ça pour que quand il va entrer dans la Bible, vous assimilez ce qu'il veut dire. Voici le frère. Il vient aimer chanter le cantique. Quel est le cantique que tu aimes chanter souvent là? Debout, sainte cohorte, soldat du roi. Bien aimé. Vous entendez me chanter, non? Il dit, soldat du roi. Après ça, il dit que, est-ce que vous comprenez que nous sommes les soldats du roi des rois? Satan dit soldat du roi, Il envoie une petite moustique. Même pas le moustique femelle, mâle. Moustique, la femme du moustique. Que va traiter-le. Il vient dans la nuit, il dit que, il dit qu'il quitte là-bas. Après, ces mecs, quelque part, il transmet ce que vous appelez quoi? Le paludisme. Deux jours, c'est lui qui fait. Il tremble sur le lit comme ça. Il prend toutes les couvertures, mais là-bas, ça ne passe pas, pas vrai? Et puis, la tante de sa tante, de la grand-mère, vient à la maison. Il dit, c'est quoi? Il dit, je connais quelqu'un qui était sur le lit comme ça, il était malade comme ça, il est mort de ça. Quand elle a dit ça, elle sort. Les songes commencent comme en train de le tuer. Ça, ce sont ses songes. Il appelle Papa Sou, il dit Papa Sou, pardon, intercède pour moi, j'ai vu le cercueil. C'est lui qui chante debout, sainte cohorte. Après la maman vient, il est encore au lit. Je connais une maman là au village qui prépare les plantes. Elle a le don là depuis la. Si elle te donne ça comme ça, tu es fini. Mais quand il lit la Bible, il ne voit pas ses maîtres. Si nous sommes guéris. Il voit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tous les rêves qu'il fait là-bas, à ce moment-là, il y a plein de versets bibliques. Tout le rêve qu'il fait, c'est qu'on a envie de l'enterrer. Grave encore, sa maman dit, dans la nuit, j'ai vu comment les gens en noir venaient te porter pour aller t'enterrer. On part chez la maman ou on ne part pas. Après, il cherche le verset biblique sur les plantes. Elle cherche le verset biblique sur les marabouts. Il dit que même ce pouvoir, assieds-toi frère, je vais arriver ce soir. Je veux que vous m'expliquiez, dans les cas que j'ai pris là-bas, quel est le problème. Y a-t-il un problème? Oui. Lequel? La foi. Comment? La foi. Quel est le signe donc on manque de foi? La peur. Comment vous murmurez seulement? La peur. Moi je parle pour vous entendre, vous ne voulez pas partager moi. Je veux qu'on avance tout en sachant là où on est en train d'aller, d'accord? Alors quel est le problème dans tous ces exemples-ci? Prenons le cas de la dame pluie. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Sorti sans parapluie. Qui était ici l'année où on faisait la Saint-Saint à Makepe? Ah non, nous sommes à Makepe ici. À Lokpom, où on passait en direct sur Jésus-Christ Télévision. Qui était là? Qui sait ce qui s'est passé ce jour-là? Qui vient raconter? Ah, vous étiez là? Oui. Toi, tu étais là? Non. Ok. Là, le frère de Nassé, là, ça m'a pas accusé le frère. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là? Je vais vous dire quelque chose et puis je vais avancer. Oui, frère, viens. Viens ici, viens parler. Tu as peur que de voir la soeur Joseph. Oui. Nous avons. On était. Ça se trouve sur internet. Vous allez trouver cette vidéo. À un moment donné, dans la vidéo, j'ai dit merci, Père. Merci, Père. Après, il vous dit, dans une autre séance, il va vous dire ce qui s'est passé maintenant. Et j'ai tourné tout autour de la table, je n'ai pas dit, parce qu'on était en direct. Il y a des choses qui sont désignées pour vous. Oui, frère, continue. Oui, lorsque tout était dressé déjà, ce soir-là, et le ciel, il menaçait vraiment de pleuvoir. Le ciel grondait vraiment, il y avait des effets. Matane, tu étais là. Mais tout à l'heure, tu n'as pas levé la main. Il a levé la main. Ah, ok, ok. Allons-y, frère. Oui, ça grondait là-haut. Et je me souviens que tu as dit un mot, tu as dit quelque chose que ne craignez rien, il ne va pas pleuvoir maintenant. Mais que dès qu'on va terminer, ça ne tombera pas de plus parce qu'on est terminé ici, n'est-ce pas? Ok. Quand on a fini de parler, on a fini de plus parce qu'on a débarrassé la scène. Qu'est-ce que j'ai dit par la suite? vous ferez mieux de rentrer. Vous ferez mieux de rentrer. Va t'asseoir, frère. Alors, ce jour-là, c'était dressé, c'était en plein air. J'étais en train de prier en haut. J'ai entendu boum, boum, boum, dans le ciel. J'ai posé la question, Seigneur, on va c'est pour ta gloire qu'on est en bas. Il dit, descend, il ne tombera pas jusqu'à ce que tu parles. Je descends, je suis en train de prêcher. J'entends la pluie sur le jour. On était en plein air. Ça tombe. Ma mère, il me guette comme ça. Comme le type, il parle comme ça, il ne voit pas la pluie. J'observe, pendant qu'il dit que telle partie, Matthieu chapitre 26, ça fait. Vous savez, ça crache, les gouttelettes de pluie tombent. Ma vélo dit que ça peut mouiller ma Bible. Ma vélo, tu es tombé, tu étais là, non? Ben voilà. Après, quand il veut l'inquiétude, et que pendant qu'on allait prêcher, il était en train de prêcher là-bas, il répondait en comment on passait là-bas. Et puis, j'étais en train de prêcher, puis j'étais en train de prier, parce que je vois les inquiétudes sur le visage. Moi, quand je prêche, et puis je sens, qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Je sens aussi les gouttes de pluie sur moi. Il dit, ok, pendant que je suis en train de prêcher, je me rends compte qu'en fait, ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de me voir, c'est la goutte de pluie qui en train de les inquiéter. Pendant que je suis en train de prêcher, et puis je suis en train de prier, c'est le Seigneur qui a dit qu'il ne tombera pas. Il dit, continue à parler, il ne tombera pas, comme tel que j'ai dit. Je me suis tourné dans la tête, je dis, merci Père, merci Père, merci Père. Et puis je lui dis, je vais vous dire ceci après ce qui s'est passé. Maintenant, il dit dans une autre enseignement, j'en avais dit. Et puis quand on est sorti, quand on est en train de dresser la table, il a dit, demande-le de se précipiter sur l'homme. Et puis je suis monté sur les escaliers, il dit que Père, merci, tu peux le faire tomber. Frère, cette pluie-là, c'est comme si c'était, ça pesait. Parce que toi, tu étais là aussi. J'étais allé, mais pour jouer à la vie à l'homme. Non. Et puis, la pluie qui est tombée. Ça a rattrapé certains d'un autre côté. J'ai demandé, vous ferez mieux de partir maintenant avant que ça arrive. D'accord? Bon, maintenant, s'il dit maintenant qu'il ne doit pas tomber la pluie, c'est ce que tu parles, et que j'arrive là-bas, ça fait. Il dit, portons la nourriture, c'est entrant à la maison. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Dieu peut entrer. Beaucoup de personnes disent, ah, Dieu, je suis qui parce que Dieu vient sur la terre venir vers moi. Mais c'est ce qu'il veut justement, parce qu'il se révèle dans l'humilité. La famille de Joseph est qui pour qu'ils puissent aller là-bas, là où ils n'ont pas d'argent pour payer l'hôtel? Ils sont qui? La famille de Gédéon est qui juste parce que l'ange des ténèbres vient vers lui. Il dit, vaillant héros, vois la force que tu as délivré Israël. Moi ici, qui moi ici dehors? N'est-ce pas, frère? Dieu peut venir avec vous. Il s'assoit avec vous. Tu ne sais pas préparer le riz sauté. Il te montre comment préparer le riz sauté. Parce qu'on a une pensée que non, Dieu est tellement occupé qu'il ne peut pas faire les choses. Il peut venir avec vous s'asseoir, jouer au ballon avec vous, frère. Vous dribblez bien. Il est venu bagarrer avec ici sur la tête, faire la boxe. Oui. Il a fait la boxe. Joseph a fait, comme ça, quand il a bâti, il a fait bam. Tu sais que tu sais boxer, il a fait comme ça. Pendant des heures. Dieu. Si vous lisez, si vous ne vous croyez pas, déchirez la partie là, seulement il va avancer. Alors, lorsque cette personne se prie, elle regarde aux circonstances, les circonstances lui dictent sa foi, parce que sa foi n'est pas basée sur l'invisible. Lorsqu'on est basé sur la raison, sur les cinq sens, on va être contrôlé par les circonstances. Ça, ce sont la foi circonstancielle. Ça veut dire que quand les choses semblent être bonnes, on chante Alléluia. Si c'est mauvais, on dit, est-ce que Dieu même entend ce que je vis? Alors ce soir, on va voir le sujet, la correction de notre foi. La correction de notre foi. Je vous ai donné les passages là. Et ces passages là, on va pas prendre d'autres fois parce que j'ai le temps de regarder. Pendant que j'étais en train de regarder les passages que je vous ai donnés pour suivre ce qu'il en est, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs autres thèmes là-bas à aborder. Donc, regardez, c'est bien ces passages. La correction de notre foi. Si vous êtes sincère, vous serez d'accord avec les Saintes Écritures que nous avons besoin de corriger nos foi aujourd'hui. En ce moment, nous avons besoin de corriger notre foi. Et ce n'est pas difficile pour la corriger. Cette personne, c'est qui prie. Seigneur, je commande que cette pluie s'arrête. Ne regarde pas le ciel comme toute la ville est noire. Quand Jésus a dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, si vous dites si ça va arriver, il n'a pas demandé les circonstances que les autres personnes vont penser quoi. Ça veut dire que si vous êtes en symbiose avec la foi, avec lui, n'importe quoi peut arriver. Alors quand cette personne se prie comme ça, quand il finit de prier, ce qu'il a fait, c'est prendre sa Bible, sortir et partir. Vous comprenez cela? C'est de sortir et partir, ça fait. Tu ne regardes pas cela. On avance? Ok. Une autre personne va à l'hôpital. La personne va à l'hôpital. Il pas fait son diagnostic. Et puis le docteur lui apprend quelque chose, qu'il a une maladie qu'il ne s'attendrait pas à voir. À cet instant-là, la personne avec le poids, 120 kilos, il monte sur la balance, les minutes qui suivent, il a perdu 30 kilos. Mais ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est un... Vous voyez, c'est pour ça que les docteurs ont cet aspect de psychologue. Quand vous avez une maladie qui est mauvaise là, on essaie tant bien que mal de te rassurer d'abord. Non, 95% des patients avec ça peuvent vivre. Il suffit seulement de suivre l'alimentation et les règles d'hygiène. Il faut qu'on témoigne. Tout ce qu'ils font là, c'est l'ordre de 1, c'est 0. La maladie en toi va te tuer. Tôt ou tard. Vous pouvez avoir le palu. Ça vous tue. Quelqu'un n'a pas le palu, il meurt. Pas vrai? Donc, ce n'est pas le problème là-bas. Le problème maintenant, c'est que oui ou non. Qu'est-ce que Dieu a dit dans cette situation? C'est ça le problème. Mais le docteur n'a pas fait autrement. Il va dire ce que la médecine lui a demandé de dire. Il doit faire l'accompagnement psychologique du patient. Et puis, garder son dossier secret. Ils font des serments. Donc, ça veut dire qu'ils doivent... Il ne peut pas prendre... La femme, vous avez vu la femme qui est sortie là, elle a le sida. C'est que l'ordre des médecins, on va la disloquer rapidement du corps. Exactement comme les pasteurs. On ne peut pas prendre les choses de quelqu'un parce que quelqu'un est venu se confier à toi pour aller porter... Ah! Vous savez, c'est ce qui se passe dans les dénominations. Vous voyez, on vient raconter quelque chose à la femme du pasteur. Le lendemain matin, fais quelque chose contre la femme du pasteur. C'est au pipi que tu vas voir que ça va sortir. Ou bien tu donnes l'argent, ne donne plus l'argent, tu vas voir. C'est toi qui vas traiter les sorciers partout, que tu es sorcier. Alors qu'initialement, tu étais la femme de la main du pasteur. Ça ne doit pas se passer comme ça. Maintenant, ce médecin, s'il va te dire, ce virus du sida, on peut vivre avec, il suffit de prendre des antirétroviraux, ainsi de suite. Mais, voici le problème. Il est chrétien. Cette personne-ci est chrétienne. La personne qui a reçu la nouvelle qu'elle a le VIH-sida est chrétienne. La façon que la personne apprend la nouvelle importe. La réaction du moment, à ce moment-là, importe avec la Bible. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même. La semaine dernière, ou c'est la semaine suivante, je sais pas, la semaine où j'étais à Yaoundé dernièrement, je suis assis à côté d'une fille. Elle a à peu près 38 ans. J'ai remarqué que cette fille avait le sida. Par simple salutation, vous pouvez savoir. Bon, vous pouvez savoir, tu parles. Donc, en la saluant, j'ai remarqué qu'elle avait le virus. Je regarde, quand je la regarde, je la suis, je vois qu'il y a des hommes mariés qui viennent vers elle. Je regarde cette fille, on a de causer. Pendant qu'on a de causer, je regarde qu'elle soit avec les hommes mariés. Je regarde, j'observe, je regarde un homme qui gare. Je dis j'observe, vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? J'observe qu'elle fait cela, mais elle est calme pour autant. Mais le dimanche, elle porte la croix, elle porte ici, elle va à l'église catholique. Je suis sa pensée, elle est dans un endroit, elle me dit, j'ai pas bu ça dans l'eau. Donc si vous voulez cadeau, je vous donne. Mais le dimanche matin, elle est dans les prières, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Mais en la saluant tout simplement comme ça, sa carte de sang est sortie. Mais quand la personne vient vers elle, un homme garde la voiture, il dit tu es belle. Il voit au-delà de cela, pointe le nez de quelqu'un. Il dit fais attention. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, il a joué en train, ne dis pas qu'il a décidé d'appeler, ça peut être la famille là-bas. C'est celle qui est chargée dans bon point ou celui qui est chargé dans bon point. Là, qui est le vrai. C'est pour ça que vous voyez effectivement qu'il faut le discernement dans chaque cas. Vous voyez, quelqu'un vient s'asseoir devant de vous. Il dit, frère Junior, il souffre trop. Tu le regardes. Pendant qu'il est en train de parler, il est en train d'ouvrir les barrières. Il ouvre les barrières jusqu'à ce que vous entrez dans un niveau pour savoir de quoi il est question. D'autres personnes viennent. Bon, il y a des semaines. Hier, quelqu'un m'appelle depuis l'ouest du Cameroun. Il dit, je veux te voir. Il dit, ok, je vais serrer mon programme. Je vais serrer mon programme pour t'entendre. Je viens m'asseoir avec lui et dire que je viens te dire quelque chose parce que ça me dépasse. Ceci me dépasse. Il dit, ok, je t'écoute. Vous savez, des choses arrivent sur cette terre. Des choses arrivent, je parle de la correction de notre foi. Je parle encore de ces témoignages parce que ça concerne le virus du sida et puis notre foi. C'est une jeune femme, il vient me dire, je vais te dire quelque chose qui est lourd sur mon cœur. Et pendant qu'il voulait dire cela, je savais de quoi il était question et de pourquoi le Saint-Esprit l'a envoyé. Je lui ai dit, ok, je sais pourquoi tu veux dire cela. Aider cette jeune femme, c'est à fermer ses portes, c'est en train de me déranger. Va t'asseoir, madame. Et donc, c'est un garçon qui allait voir une fille était sur une table sur, dans le lit en phase terminale de sida. Vous appelez une phase terminale. La fille a refusé de se confesser à sa famille, mais à celui-ci seulement, qui n'est pas de sa famille. Il a appelé, il dit, je vais te parler. Pourquoi tu veux me parler de ceci? Il dit, parce que c'est toi seul en qui j'ai confiance. Un être qui n'est pas de sa famille. C'est une fille qui est, elle a fait l'école normale des enseignants. Elle y est entrée en payant 2 500 000. C'est-à-dire qu'elle a négocié pour y entrer. D'où viens-tu et cette personne pour aujourd'hui, tu as pris cette... Cette personne s'est dit, tu as pris cet argent là où? Il dit que non, c'est un officier de la douane qui me donnait cela. Cet officier de la douane, elle lui dit, écris le nom, les deux noms ici. Si je meurs, sache que ma source de la mort vient de là. Comment tu sais ça? Ils ont le sida parce qu'ils me donnaient de l'argent et ils me sodomisaient. Mais dans sa famille, personne ne savait. Vous savez pourquoi, d'où est venue son origine? Il dit ceci parce que c'est la fille du pasteur, une fille de pasteur. Son papa est pasteur. Elle dit quand elle était étudiante, elle était allée quelque part, on lui a donné le savon. Qu'elle s'est là pour attirer les hommes qui sont riches. Les hommes qui sont riches. Elle a attiré, elle a ciblé donc. Elle a dit un agent de vous savez, trésor public, les gens qui ont l'argent ne cachent pas la qualité des policiers qui vont aller négocier avec 500, donner les 500 qui sont déchirés là. Et elle met les gens là. Et par conséquent, l'une des lois de ses savants, c'est qu'elle ne doit pas toucher les membres de sa famille. Elle a dû s'exclipser. Aucun membre de sa famille ne l'a vu pendant 2 ans. On dit que pourquoi elle fait la famille? Elle est allée où? Elle est allée où? Alors elle disait à celui-là que ma famille ne sait pas que je me protégeais d'eux à cause de cette loi-là. Elle était sur le lit, confessant comme ça. Elle dit, voici les deux personnes. Elle dit que personne de la famille ne sait que l'argent que j'avais, c'est à cause de la sodomie qu'on me faisait. Son père est pasteur. Et elle a le sida. Elle dit, c'est ces deux-là qui m'ont donné le sida. Mais dans la famille, les personnes qui sont à côté de lui, non, ils disent que c'est le poison de nuit. Mais elle sait de quoi elle est question, elle souffrait. Mais chaque jour, elle dit, oh, Sainte Marie, mère de Dieu. Son père est pasteur. Personne ne sait de quoi elle souffre. Quand elle a fini à dire à celui-là, non, il est mort. Et sa grande soeur qui le suit, qui la suit à l'hôpital, il a fait, vous savez quoi, la procuration pour que sa grande soeur puisse prélever l'argent dans son compte. Sa grande soeur, au lieu de témoignage du deuil, il dit que personne, depuis qu'elle est sortie du corps normal, personne n'a jamais touché son truc. Elle a dit au docteur, comme c'est la phase terminale, arrêtez la rentrée vraiment. Pour que ça se passe comment, frère? Pour qu'elle touche l'argent facilement. Voilà donc la chose qu'il en est. Mais maintenant, cette personne-ci vit ce genre de vie, mais va, ce qu'on appelle l'église chaque matin. Mais elle sait effectivement de quoi elle est question. Dès qu'il a fini la confession, elle est décidée. Celui-là a pris les deux noms gardés dans le sac. La personne même là, qui est douanier, celui-là qui est au trésor, quand elle est morte, il y aura une autre jeune fille, pas vrai? Il a beaucoup d'argent, pas vrai? Va faire la même chose sur les jeunes filles. Et tu vas aussi rencontrer une jeune fille aussi, dire, c'est ma femme ici là, elle est allée chez celui-là. Il porte la maladie, il vient te donner. Donc vous voyez comment le dehors est pourri, n'est-ce pas? Maintenant voici donc les problèmes du dehors. La personne ici qui a cette maladie-ci n'est pas identique à un chrétien qui croit au Seigneur de la bonne façon. Alors c'est pour ça que je vous ai toujours dit que la maladie d'un chrétien est différente de la maladie de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Quel qu'en soit ce qui vous arrive en tant que chrétien, si la même chose arrive à un mondain, et ça vous arrive en tant que chrétien, votre cas est différent. Amen. Quel qu'en soit. Il suffit seulement que vous soyez reconnecté à Dieu de la bonne façon. C'est pour ça qu'il parle de la correction de notre foi ici maintenant. Il faut qu'on corrige notre foi. D'accord? La foi donc s'accompagne et se manifeste donc dans l'action à l'issue de la parole. La foi. La foi donc va à la suite de la parole en marchant en droite avec elle. La foi. Si tel n'est pas le cas, il y a un problème. La foi doit marcher en union avec la parole. Écoutez donc, dans le livre d'Hébreux, je crois qu'il faut que j'explique ce que je suis en train de dire là. Ce qu'il veut dire, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Quand à l'instant vous avez dit cela, que Jésus-Christ est Seigneur, vous venez de dire qu'il contrôle tout, est au courant de tout, peut tout faire. Il a le droit de tout, il peut décider n'importe quoi et rien ne peut lui être empêché, ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Pas vrai? C'est ce que vous venez de dire par Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela que si c'est confessé par le Saint-Esprit, ça doit prendre vie. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 12 que c'est pourquoi je vous déclare que si nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que si on est conduit par le Saint-Esprit pour dire Jésus-Christ est Seigneur, à cet instant-là, on est arrimé avec la parole et tout ce qui découle de Jésus-Christ est Seigneur marche en effet pour nous. Maintenant, la Bible fourmille des exemples. Si vous prenez Exode chapitre 14, dans Exode chapitre 14, vous allez voir la sortie des Juifs. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient bloqués là devant eux. Face à face, il y avait la mer. Ah frère, les circonstances ne doivent pas dicter notre prière. Les circonstances ne doivent pas dicter notre prière. Ce qui doit dicter notre prière, c'est la direction du Seigneur. La direction du Seigneur, c'est ça qui doit guider notre prière. C'est la direction du Seigneur qui doit guider notre prière, pas les circonstances. Si les circonstances guident notre prière, nous allons passer le temps à battre de l'aile de part et d'autre. Si ce sont les circonstances qui dictent notre prière, ou bien qui dictent nos prières, alors dans ces cas, on va battre de l'aile sans jamais arriver à la fin, à ce que nous voulons. Alors, c'est la direction du Seigneur qui doit dicter notre prière. Quand il dit la direction du Seigneur, je vais dire ce que Dieu a dit concernant une situation bien déterminée. C'est ça dont il est question. C'est vrai qu'on dit que chaque fois, les circonstances vont challenger votre foi. Les circonstances vont challenger nos fois. Que vous le vouliez ou pas, les circonstances vont challenger vos fois parce que les acteurs de la Bible dont on nous parle comme modèle ont été challengés dans leur confession de foi, dans leur profession de foi. C'est-à-dire quoi, mes chers frères, mes chers soeurs, si tu dis je suis chrétien, l'ennemi va dire ah bon, hein, attends, vois, tu vas me sentir. Si vous dites je suis chrétien, si vous dites quoi, je suis chrétien, l'ennemi dit ah bon, hein, attends, moi, tu vas me sentir. Tu vas me sentir, ça veut dire quoi? Il va prendre les choses naturelles pour traiter avec toi. Voilà pourquoi il faut qu'on quitte le domaine naturel pour aller dans le domaine spirituel. Dans ces Hébreux chapitre 11, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. De telle enseigne que ce qui a été fait, ce qui est visible a été fait par l'invisible. Par cette parole, la Bible nous dit, ne vous figez pas sur le visible parce que le visible est secondaire par rapport à l'invisible. Ça veut dire que l'invisible gouverne le physique. Alors, toutes les épreuves se trouvent sur le plan naturel pour attirer par rapport à notre saint sens. Mais si on va au-delà par la foi dans l'esprit, on va voir effectivement que Jésus-Christ est Seigneur. Mmh. Souvenez-vous de ce qu'il dit comme Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire qu'il a le contrôle, la supériorité sur tout événement qui pourra nuire à nous, à nos vies, à notre foi. Alors ces juifs-là sont sortis de l'Égypte. Souvenez-vous, la personne qui avait endurci le cœur de Pharaon, c'était Dieu. Donc il avait aveuglé et enveloppé pour qu'il laisse partir son peuple. Il a laissé partir le peuple. Le peuple marchait dans le désert. Arrivé là-bas, ils étaient bloqués. Pharaon s'est réveillé et dit, qu'avons-nous fait? Ah, allons les contraindre de rentrer rapidement. Qui fait comme ça? C'est Dieu qui en a le fait. Mais quand Dieu fait comme ça, il ne dit pas au peuple que ne vous inquiétez pas, c'est moi. Il les laisse dans leur état pour leur prouver quelque chose. Voici Pharaon et toute son armée derrière les Juifs. Les Juifs se trouvent face à face avec des choses naturelles qui les comptent. Pas vrai, frère? Des choses naturelles. Devant eux, en face, se trouve l'obstacle, la mer. S'il fallait construire l'arche de Noé, ça s'était agaré depuis, ils ne savent pas, c'est sur le mont Ararat, dans les zones là-bas, que ça s'était dans cette nuée-là que ça s'est allé tomber. Donc même s'il fallait aller tirer l'arche de Noé pour entrer là-bas, ils n'auront pas le temps pour venir là-dessus. S'il fallait commencer à chercher, maintenant dans le désert, ils n'auront pas de planche pour pouvoir construire une arche. Si c'est pour nager, personne ne sait nager là-bas. Ils ont passé le temps là-bas à taper le mur et à faire le ciment. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut le miracle. Ils se trouvent là-bas à droite, ils voient une désert montagneuse. C'est-à-dire que les montagnes qui se versent à perte de vue. C'est-à-dire qu'aller dans ce désert-là, dans ces montagnes-là, c'est une peine perdue. Ils se tournent à droite, là-bas, c'est le désert des Tsing. Vous voyez effectivement partout, c'est le sable. Marcher là-bas, c'est une mort certaine. Devant là-bas, c'est la noyade. Derrière vient l'ennemi Pharaon. Alors, ils sont encadrés dans les quatre points cardinaux par les ennemis. Naturellement, ils sont encadrés. Ils ont commencé à crier à Moïse. Regardez ceci à l'esprit maintenant. Ils ont commencé à crier à Moïse. Souvenez-vous, ils ont vu la main de Dieu. Nous sommes au chapitre 14 des autres. Au chapitre 12, Dieu leur a montré par la puissance de sa main que chaque pleur, il y aura les pleurs dans chaque maison égyptienne et dans aucune maison des Juifs. Personne ne bêlera même dans la langue, même pas le chien n'a pleuré. Pas vrai? Ils ont vu cela. Ils ont vu comment ils sont sortis avec des grands présents. Après que Dieu ait frappé les plaies, le Pharaon et tout l'Égypte. Ils ont vu cela. là, il se tient maintenant à cause des événements naturels qu'il voit. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça là? C'est toi qui nous as posé la tétitesse pour que les gens se nous tuent. Pas vrai? Moïse s'est tenu là comme ça. Souvenez-vous, à la veille de ces jours-là, Dieu avait fait sortir deux. Vous savez ça, le vent sur son nez, n'est-ce pas, frère? Il a fait avec son nez, il a effrayé l'eau. Pas vrai, frère? Oui, fait comme ça, oui. Alors, Moïse s'est tenu là-bas et puis. Lui, Moïse ne regardait pas sur les choses naturelles qu'il y a là-bas. Voilà, voilà pourquoi vous allez voir, chaque fois, il y a les hommes naturels, les gens spirituels tout autour. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ok, maintenant, c'est un problème maintenant. Moïse est de ce côté, c'est ces Égyptiens que vous voyez. Les gens se tournent, ils voient qui? Les Égyptiens. Moïse leur promet que vous ne les verrez plus. Il vous pose la question, si vous étiez de ce peuple, en voyant la poussière se levant dans le désert qui est causée par le champ venant de toute la haine. Vous direz Amen à Moïse. Si vous étiez à leur place, vous direz Amen à Moïse. Vous allez dire qu'avant qu'il ne le voit pas, il faut qu'on te tue toi ou là, pour que tu quittes. Pas vrai? Ici, ce que Moïse dit n'est pas une parole de consolation. Ce n'est pas le genre de parole que quelqu'un voit qu'une femme n'a pas d'enfant. Il dit que ma soeur, comme Anne, écoutez bien, ça c'est la Bible. C'est le votre Bible. C'est là où on va arriver au niveau de la correction. Merci Père. Merci Père. Soulevez votre Bible, je vous dis quelque chose. Cette Bible-là, ce que vous avez là, ce qui sont écrits là-bas, ce sont les paroles de Dieu, le Logos. Maintenant, baissez. On a donné l'histoire de Anne, l'histoire de Manoah, l'histoire d'Elisabeth, l'histoire de Rebecca, l'histoire de Sarah là-dedans. Comme exemple. Mais ce n'est pas encore appliqué à ton cas. Tant que le Saint-Esprit n'a pas déclaré. C'est à ce niveau que s'intervient la correction. C'est à ce niveau que qu'intervient la correction. Pour qu'il y ait correction, normalement, il faut que le Saint-Esprit te parle. Et que cette situation-là soit tienne. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit appliqué à toi. Ok. Si c'était automatique de lire le livre pour les femmes qui sont stériles, que Dieu leur a rendu stériles, tu lis, ah, wow, ma soeur, Dieu m'a donné, mais il y a quelqu'un donné Esaïe 54. Ah, et lâche l'espace de ta tante, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Point, quelqu'un dit, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit, c'est Dieu à ton voisin, et c'est très vrai. C'est très vrai. Mais ce que quelqu'un dit, ainsi parle le Seigneur. Là, c'est la correction de la foi. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Alors, ici se trouvent dans les exemples bibliques pour vous montrer à tenir ferme devant le Seigneur. Que s'il a eu à faire telle chose, c'est un enseignement pour nous montrer que rien n'est impossible. Et que si tu passes par ces cas-là, il peut toujours le faire. Souvenez-vous quand on dit Sarah était stérile, ce n'est pas Sarah qui était assez stérile sur la terre. Quand Élisabeth était stérile, durant ce moment-là, parmi les peuples, je ne sais pas le seul Élisabeth qui était stérile. Elle était stérile selon Dieu. Elle était stérile selon Dieu. Il faut donc vérifier si tout événement qui nous traverse est selon Dieu. Si c'est selon Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est ça dont c'est la question. Souvenez-vous de Jean chapitre 9. Vous vous souvenez de cette personne-là qui est née aveugle de naissance. Il était tenu là. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, maître, cet homme, si son cas, c'est comment? C'est parce qu'il a péché ou bien c'est à cause des péchés de ses parents qu'il est devenu comme ça. Avant cela, l'enfant est né. N'est-ce pas? Cet homme est né. Vérifiez maintenant la personne qui part à l'hôpital. On met les choses qu'on met sur le ventre là. On regarde sur le corps. Regarde ici. Ton enfant est comme ça, comme ça, comme ça. Vous sortirez là-bas tous les jours maintenant. Votre rêve, ce sera autour de l'enfant qui est né avec quatre têtes. Pas vrai? Vous pensez qu'une femme enceinte va rêver de quoi chaque fois? Elle rêve de quoi chaque fois? Que j'ai rêvé comment? C'est tout autour. Vous pensez que quelqu'un qui a préparé le match, il rêve de quoi? Vous avez vu le chat dormir. Quand le chat fait comme ça, vous pensez qu'il en a fait quoi? Qu'il en a intercédé pour quelqu'un, frère? Non, non, non, non. Il rêve comme une souris, parce qu'il ne va pas réfléchir, il fait toujours comme ça. Parce qu'il est conditionné par cet événement-là. Alors, si une femme est stérile, c'est normal qu'elle fasse des rêves quand elle a eu les enfants. Frère, oui, j'ai rêvé comme j'ai eu un enfant, c'est normal, c'est ton désir. Non, non, je ne pensais même pas à ça, tu as eu à penser plusieurs fois. Pas vrai? Ah, mon frère. Je n'ai même pas pensé à lui. Il y a un frère qui est venu m'approuver. Dans le rêve, j'ai vu comment monter les escaliers comme ça. Là. Je voulais regarder son visage comme ça. La rêve s'est coupée. J'ai fait encore mes yeux pour vous voir. C'est toi qui avais cherché. C'est parce que tu cherches le mariage. Et non, ce soir-là, je n'ai même pas pensé. Tu y as pensé. Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas? Vous prenez quelqu'un qui est chômeur. au chômage. Regardez ce qu'il rêve. Prenez une femme qui cherche l'enfant. Je regrette ce qu'elle rêve. Ça tourne autour de cela. Dis ma soeur, laisse ça, prie pour le Seigneur. Il dit, même quand il prie pour le Seigneur, c'est toujours l'enfant qui vient. C'est pour cela que, vous savez que Rebecca a dit à Joseph, à Jacob, tu ne me donnes pas l'enfant aujourd'hui, je meurs. Il a dit, Rachel, et il a dit, mon ami, c'est moi qui fabrique l'enfant. Je fais toutes mes possibilités, chaque 5 heures jusqu'à midi, rien n'entre. Donc, c'est pas moi. Je suis à la place de Dieu pour dire que c'est Dieu qui fait l'enfant. Au point où les gens se séparent dans les marais à cause de l'enfant. Lorsque une femme même dit que non, chérie, va dehors, prends un enfant pour moi. Elle finit, fait cet appel un de ces jours, l'enfant naturel aussi entre dans son ventre. Elle dit que si je savais, il devait patienter. Pointe quelqu'un dit la correction de notre foi. Bon, maintenant, nous sommes donc devenus au 21e siècle des gens qui citent les versets bibliques. Mais lorsqu'il faut accompagner ces versets bibliques par la phase active, la phase pratique, c'est là où on fait défaut. Or, la parole, pour que ça devienne esprit, doit être accompagnée de notre foi. C'est-à-dire, vous lisez la Bible habite là-bas dans votre cœur. Si ça entre, beaucoup vous relâchez, ce n'est pas la foi que ça doit marcher. Je vais encore expliquer ceci. Parce que vous allez dire, non, je ne crois pas à la foi, j'ai la foi. J'ai la foi, ce n'est pas à former le poignet de main pour faire le geste. Ce n'est pas ça dont il est. Il faut passer à l'œuvre. Passer en action. C'est-à-dire que vous allez quelque part. Vous travaillez bien, vous n'avez rien fait. On dit, madame, oui, entrez le bureau, oui. On vous signe. Voilà votre lettre, signez, si vous signez. Quand vous regardez très bien que ce certificat de travail que j'ai sous-signé, madame, tu reconnais qu'on ne sait pas, on se sépare en 16 jours-ci. En rupture, en quoi, comment c'est pas, vous appelez, où c'est pour le code de travail. On dit, à cette, comment mon frère rupture, notre relation de travail. Que notre relation de travail, c'est rupture. Tu n'as pas prévu, ton retour n'est pas préparé. On t'informe là que ton travail s'est terminé. Quand tu sors, ce que tu as écrit là, ce qu'on a écrit là-bas, avec ta foi, ça doit te confronter. C'est ici donc la foi. Oh, j'ai la foi. Je vous le dis, pendant les événements de février 2008 là, j'étais chez une camarade là qui est à l'université. Un jour, je suis venu, je lui ai donné de l'argent, elle prépare le sport, elle est sortie. Elle était dans sa douche, j'avais laissé laver, j'entends, elle chante les cantiques. Je dis, mais je tente de lire la Bible, et puis je sens plus mes transports de ce côté, c'est assez direct. Je tente de lire la Bible, mais tu vois, elle chante les cantiques, il dit, waouh. Il suivait le cantique quand il chantait. Oh, vous savez quand la douche sort, quand l'eau chaude sort sur la tête de quelqu'un, j'ai la joie dans mon cœur. Hey, Jésus est ma source de joie. Elle chante. Le lendemain, je suis venu. C'est la grève, là, on ne sort pas. Je suis tenu à la même position. Le Saint-Esprit m'a transformé encore. Elle est en train de se laver. Le même événement, elle ne chantait plus. Le Saint-Esprit m'a dit qu'elle ne chante pas parce qu'il n'y a pas la nourriture. Donc la joie là, c'est pas Jésus est la source, c'est le spaghetti qui était la source de joie. Le spaghetti. Or aujourd'hui c'est ça. Vous voyez un chrétien, il a tordu la joue comme ça. Dis, frère, c'est quoi? Tu entends d'abord, ça commence par tchio. Vous entendez tchio, la longueur de son tchio, c'est la durée de son problème. Tchio, tu sais quoi tchio? Il dit, de toute façon Jésus règne. Que tu aies le problème, que tu n'aies pas le problème, Jésus règne. Que tu n'es pas le problème, que tu ne sois pas né, la Bible déclare même pendant le déluge, il était sur son trône. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que les circonstances ne doivent pas être notre condition pour savoir si oui ou non Dieu nous agrée. Ce n'est pas ces circonstances-là. Ce n'est pas comme ça qu'il faut juger si on agrée Dieu. Or, plutôt, ces circonstances-là, ce sont des moments déterminants pour prouver notre foi à Dieu. Les circonstances négatives que nous voyons dans nos vies. Les circonstances négatives que nous voyons dans nos vies sont des moments privilégiés pour prouver notre foi au Seigneur, notre attachement à lui. Ce n'est pas fait pour nous tuer, quel qu'en soit le degré. Si vous êtes chrétien, c'est pour un but précis. Écoutez-moi bien, écoutez cette voix maintenant. Quel qu'en soit ce par quoi vous traversez, que ce soit la maladie, n'importe quoi, à quelque niveau que ce soit, vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas appelé à souffrir de la même façon que les non-chrétiens. Ça a un but précis. Honorer Dieu avec ces événements. Honorer Dieu avec ces événements. Honorer Dieu avec ces événements. Or, maintenant, si vous lisez Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible déclare, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh frère, si vous vérifiez dans votre âme, vous savez que vous ne croyez pas à Dieu de la bonne façon, déposez la Bible, allez devant lui. Il faut qu'on corrige nos fois. C'est-à-dire que si vous lisez votre Bible comme ça, vous ne parvenez pas à croire de la bonne façon, laissez la Bible. Sinon, ça va vous faire du mal. Si vous ne parvenez pas à croire de la bonne façon, demandez, regardez, laissez ça de côté. Laissez que l'auteur de ce livre-là vous amène là-dedans. Sinon, ça va vous faire du mal. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, Seigneur Jésus, sans la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Vous sortez de la maison, nous sommes mercredi. Père, je te prie, je te soumets ma journée. Vous faites ça, pas votre frère? Amen. Vous faites ça. Père, je te soumets ma journée. Sois l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas ce qui puisse arriver cette journée-ci, mais que tout soit fait selon ta volonté. Sortez, ouh, la moto, bam, putain, wow, wow, mon pied. J'échappe l'esprit du diable. Non, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que tu lui as demandé. Ça vous fait quoi là maintenant? Savez-vous quand vous dites, Seigneur, prends le contrôle? C'est pour ça que vous devez. Le secret, c'est s'abandonner entre ses mains. S'abandonner entre ses mains, ça veut dire que ça soit en mauvais ou en mal. Je ne sais pas comment il peut faire pour vous dire ces choses-ci. Que ce soit en mal ou n'importe quoi arrive, quand vous avez soumis votre. Vous dites, Seigneur, je sors sous ton contrôle. Que tout ce qui va se passer soit souvent ta volonté. Et quelqu'un se pose devant vous, fait pam, pam, pam. Vous dites, merci Seigneur. Comme tu as décidé aujourd'hui qu'on me gifle là. Ça va être bête pour sur le plan humain. Ça va être bête pour les gens, mais c'est Dieu faisant. Vous avez moi, hein? Écoutez encore ceci. Les circonstances négatives qui arrivent dans nos vies, difficiles qui arrivent dans nos vies, ne doivent pas être au moment de déshonneur. C'est pas pour dire que non, vous avez chuté. Non, que non. Ces moments-là, par excellence, ce sont les moments pour nous mettre à l'épreuve. Donc, ce sont les épreuves de notre foi, comme le livre de Jacques le dit. Ces événements-là qui arrivent de façon négative dans nos vies, comme nous considérons, ne sont pas des choses pour nous tuer, mais pour nous pousser à honorer Dieu par ces moments-là. Or, gardez-vous encore l'esprit, ce verset, je n'ai pas encore fini de citer. Ce verset 6 de Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que vous pleurez. Si votre pleur n'est pas avec foi, vous n'aurez pas accès à Dieu. D'ailleurs, va t'asseoir, Dieu, garçon. Va t'asseoir, Dieu. T'asseoir avec les autres là-bas. Tu changes de cantique là-bas. C'est pas le moment. Alors, la Bible déclare donc dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car, si quelqu'un s'approche de Dieu, il doit faire quoi? Il doit croire que Dieu existe. L'autre là, c'est encore un autre problème. Parce que croire dont la Bible en train de parler ici n'est pas l'accent, la connaissance, l'ivresse du Dieu. Tu demandes n'importe qui maintenant, tu crois que Dieu, il sait qu'il y a un Dieu. Ce n'est pas ça dont il est question. Parce que si tu parviens à croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça veut dire qu'il est souverain. Dans ce cas, à cet instant-là, tu dois comprendre qu'il a le contrôle sur tout. Pourquoi donc parle? Notez le chapitre 13 d'Hébreux. Chapitre 13, je crois qu'on va passer encore une phase pratique ici par rapport à la Bible. On en a plein dans la Bible, plein. Je crois que si on est fini, on va aller dans la deuxième partie de cet enseignement. Il faut qu'on corrige cette façon de marcher. Maintenant, or, sans la foi, il est. Je dis Hébreux chapitre 13, je vais lui donner le verset qu'on va y arriver, quand le moment arrivera. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous y êtes? Regardez bien ce qu'il dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez être agréable à Dieu? Amen. Il faut la foi. C'est-à-dire que la première action pour poser, pour avancer vers lui, c'est la foi. Pour demander quelque chose, c'est pour prendre quelque chose, c'est marcher avec lui, c'est sourire avec lui, c'est dormir avec lui, c'est tourner vers lui, c'est sans la foi, il est impossible. Ce style de foi dont parle la Bible, il s'agit de la connexion avec le Seigneur. Il s'agit de la connexion avec le Seigneur. La foi, c'est quelque chose qui vient de façon spontanée. N'essaie pas de dire qu'il faut que je prie, que la foi, je prie, que la foi, je prie, que la foi vienne. Quand les disciples ont vu dans ces gens, chapitre 17, ils ont dit, oh Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus n'a pas dit, vous augmentez la foi, que non. Il a dit, si vous aviez la foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Il n'a pas dit, prenez alors une grande dose. Il n'a pas dit cela. La connexion avec Dieu. Vous avez noté Deutéronome chapitre 12. Oh mon Dieu. Vous avez noté ça aujourd'hui à l'entrée ici, n'est-ce pas? Ne reposez pas votre foi sur quelqu'un. C'est-à-dire, ne comptez pas sur quelqu'un. Si vous comptez sur quelqu'un, vous faites naufrage à cet instant-là. Ne comptez pas sur quelqu'un, d'accord? Dans la Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible. Gardez-vous la gravité de cette mot-ci. C'est-à-dire que vous commencez n'importe quoi. Quand vous dites, je suis chrétien, vous allez dire, vous êtes le peuple de la foi. Tu appartiens au peuple de la foi parce que les chrétiens vivent par la foi. La foi dans le Seigneur Jésus. Regardez Marie là-bas, c'est plaisanté devant le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 11. Oh maître, si tu sais, Marc était là, Marie bavardait là-bas, pleurait comme les bagantés. Vous savez quand les bagantés pleurent le deuil. Oh, elle pleurait là-bas, tout le monde était là pour le garder. mais si tu étais ici, ton ami ne serait pas mort. Il dit, Lazare vivra. Oui, oui, je sais qu'à la résurrection des morts, il va vivre. Voici la résurrection en personne devant lui en train de parler. Si vous avez été à la place de moi, vous ferez quoi? Vous ne pouvez pas faire autrement que ça, parce que si on s'en dit le contraire. Où est-ce que vous avez mis? Vous l'avez enterré où? Ça fait 4 6, l'autre la laisse là-bas, il sent. Vous voyez la chose, la personne qui souhaite que quelqu'un ressuscite. Si tu étais ici, n'est pas moi. J'ai voulu qu'il meure pour qu'il vienne ressusciter, pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Mais Dieu ne lui donne pas le programme. Donc ça vous arrive sans programme. Dieu donne le flash à Joseph. Regardez bien. Dieu donne le flash à Joseph. 11 Gèves qui se prosternent devant un de ses Gèves. Il vient, son père qui est prophète, ne lui donne pas l'interprétation comme ça. Il donne. Il donne effectivement. Et il sait qu'il s'agit des frères qui vont venir se prosterner devant. Dieu a donné la photo sans donner où ça doit s'accomplir. Il ne dit pas quand ça va s'accomplir. Mais le début de cela, bienvenue mon frère, le début de ça, assieds-toi ici. Le début de ça, et vérifiez que votre téléphone soit fermé. Je vais toute votre attention ici parce qu'il faut qu'on marche vraiment dans ce sens. Le début de l'accomplissement du cliché qu'il avait vu pour sa vie. Le début du cliché qu'il a vu pour sa vie, Dieu ne lui avait pas donné. Ses frères le prennent et le vendent. Imaginez un enfant de 16 ans, 11 ans, que ses frères sont en train de le vendre. 11 frères le regardaient comme ça, vendre avec un inconnu. Maintenant, quittant Joseph, allait voir son père à la maison. Les parents voient tout le peuple en train de rentrer avec le troupeau, avec le prêt. Ils ont vendu le frère, prendre l'argent pour manger, prendre son habit des 12 couleurs qu'il avait cousu, tuer encore un agneau au milieu du troupeau, verser le sang pour mélanger. Il vient vers son papa qui est prophète. Gardez-vous le Saint-Esprit. Vers son papa qui est prophète, il dit que regarde un peu si son habit de ton fils, on a trouvé plutôt en route. Peut-être un loup l'a mangé. Il a pris. Frère, la Bible déclare que son père a pleuré tout son âme. Pas vrai, frère? Dieu n'a pas révélé à son père que c'est le mensonge. Dieu n'a pas révélé à son père que c'est pour aller accomplir le plan pour lequel il avait expliqué. Dieu n'a rien dit. Vous savez ça? Jusqu'au temps où Joseph était là. Dieu regardait Jacob en observant ce qu'il va faire. Le prophète, Dieu ne lui a pas révélé cela. Il dit sur son fils, il a pleuré. Maintenant, quand Dieu a élevé Joseph en Égypte, quand il a entendu aller dire à son père qu'il est vivant, écoutez très attentivement, à l'instant où il a entendu que Joseph est vivant, Dieu lui a parlé de tout ce qui est en train d'arriver maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a fermé expressément ces choses qui peuvent causer douleur à Jacob pour se révéler. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a-t-il renié Dieu parce que son fils a été perdu, frère? Non, non. Il a pleuré toute son âme. Ce n'est pas pour ceux qui rejettent Dieu. Élisabeth et Zacharie, qui avaient le droit d'onction, c'est-à-dire que s'il y avait l'onction qui coulait de deux côtés, c'est les deux. Élisabeth était des darons. Zacharie était aussi daron, pas vrai? Donc le droit d'onction était sur eux. En plus de ça, il avait été choisi par la classe pour entrer. Donc la double grâce et double onction étaient là. Grave encore, la quatrième, le quadruple grâce était encore là parce qu'il servait Dieu de façon irréprochable. Ça empêchait qu'il soit stérile. Elle était stérile. Alors j'imagine les voisins qui devaient accoucher, mais les païens devaient dire, ton Dieu, tu sais quel Dieu. C'est pas vous qui racontez dans votre synagogue qu'il avait donné l'enfant à Abraham. Votre Dieu là est mort. Mais elle va mettre au monde un enfant dont le Seigneur du ciel va se tenir là-bas que parmi tous les enfants qui sont des hommes, des femmes. Il n'en est point paru comme celui-là. Imaginez ce qu'il en est. Un enfant selon le Seigneur. Vous appelez la stérilité selon le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Alors les circonstances, il croit que c'est serré là-bas. Regardez, vous êtes là comme la sardine. Voici une place ici. Viens ici, madame. Là, tu es confortable. Toi, tu es confortable. Toi aussi, tu es confortable, ma chère soeur. Qu'est-ce que vous a amené ici dans le rouge? Je dis comme ça, vous créez la chaleur. Alors, les circonstances que nous tenons pour négatives dans nos vies doivent être des sources ou bien des moments pour glorifier le Seigneur. Ces circonstances-là sont nécessaires et c'est absolument nécessaire. Ce qu'il veut dire, c'est que vous l'admettez ou non, c'est écrit dans votre livre que vous devez passer par là. Jacques chapitre 1. Jacques. Oh, je souffre trop. Je souffre trop. Quand ici n'est mon père mort, tu voulais que le père de qui meure? Il faut forcément que le père de quelqu'un meure, n'est-ce pas? Il a voulu que ce soit ta part. Vous savez, je suis passé par des étapes. Et je me tiens, quand maintenant devant vous, maintenant, je peux comprendre maintenant ce qui est arrivé depuis la naissance. depuis la naissance. S'il y avait un père, une mère comme tout le monde, il devait faire tout et tout pour m'envoyer à l'école pour qu'ils deviennent le modèle qu'ils veulent. Mon fils, comme tu es intelligent, la fréquente devant les avocats. Comme ça que tu on m'attaque au village, on dit que son... Vous savez quand les papas sont au village, comment ils se vantent avec les fils en ville. Vous savez, ça c'est le père de Eto. Le père de Eto. Okay. Au ciel, ça ne passe pas comme ça. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Quand vous allez voir n'importe quoi que vous allez souffrir sur la terre, n'importe quoi que vous avez subi sur la terre comme injustice, n'importe quoi. Quand le Seigneur dit mon fils, il dit mon fils, il reste tranquille. Ça annule toutes les peines que vous avez eu à passer. Amen. Quand le Seigneur dit seulement mon fils. Seigneur, pourquoi? Vous savez, ces jours-là, en 1998, quand je me suis tenu là et puis j'étais en train d'apprendre et qu'on est allé éteindre la lumière. Maintenant, elle s'est levée, elle a éteint la lumière, elle a dit cette phrase-ci. Tu veux apprendre jusqu'à ce que tu vas aller enlever bien sûr la chaise. Cette phrase ne m'a jamais quitté. Je suis sorti. J'étais là comme ça, je pleurais. Pourquoi moi? Pourquoi je souffre comme ça? Frère, je ne suis pas chrétien. Je ne connais pas la chose chrétienne. Et puis, il s'est tenu là, du côté droit là. On est allé là-bas la dernière fois. Qui était en consommant le deuil de Dieu? J'étais en consommant, oui. J'ai amené ma femme là-bas, dit que c'est si je me tenais ce jour-là, en 1998. Cette voix-là parlait, les trois étoiles se sont positionnées là-bas à droite. Voilà la zone. Alors que je me tenais là, elle disait, la seule chose à moi maintenant, la solution, c'est que. Il faut que je meure. Parlez, c'est votre programme à vous là-bas. Et puis cette voix-là dit que tu ne mourras point parce que tu es sur la terre pour faire quelque chose. Regarde, tournez, il y a les trois étoiles là-bas. Tant que ces trois étoiles seront là, tu seras sur la terre jusqu'à ce que ça quitte. Après, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux. Le plus grave de cette situation, c'est que tu n'es pas chrétien. Après, tu ne te poses pas la question que mais qui m'est. Tu es seulement familier à cette voix. Vous savez tout simplement que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ah, vous parlez de la Bible. Alors, s'il n'y a pas la Bible, comment Dieu va vous parler? Là, c'était. Vous dites, c'est pas. L'État ne se trouve pas en conservant. Partout, je vérifie seulement. Partout, je vérifie. C'est là. Que ce soit en journée, en pleine journée, en pleine nuit, je vérifie. C'est là. Dans n'importe quel pays, je vérifie. C'est là. Que votre ciel soit noir, n'importe comment, je vérifie. C'est là. Donc vous êtes sur la terre, vous faites votre programme. Vous dites, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça doit arriver à quelqu'un d'autre? Chacun a son lot. Chacun a son... Quand vous allez au marché, vous voyez chacun prend la bifle, vous allez chercher quoi? Quand quelqu'un prend la chaussure, quand il prend la chaussure, il te dit à voisin que voisin mesure. Il dit à qui? Il prend. Il met sur son pied, ça suffit. Il dit combien? Pas vrai frère? Chacun a son lot. Oh frère, je suis souffre trop. Donc ma soeur, tu veux qu'elle t'impose la main, que les souffrances finissent. Oui. Et Seigneur, je prie que cette souffrance, c'est comme ça traverse selon toi. Donne-lui de comprendre cette souffrance, Père, et de vivre selon toi. Jean chapitre 1, vous y êtes. Il n'y a pas de prière de délivrance de souffrance. D'accord? Jacques chapitre 1. Allons-y à partir du verset 1, mon frère, jusqu'au verset 6. Allons-y, 1, 2, 3. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Stop. Vous avez ce qui est écrit là-bas? Il a dit que si vous êtes exposé aux épreuves, fâchez-vous de Dieu. Non. C'est qu'on n'a pas la bonne version. Il a dit si vous êtes exposé aux épreuves, vous êtes né pour ne pas souffrir. Jésus a tout payé à la croix. Je vous donne une révélation. Nous avons été les apôtres qui avons marché à lui. Je m'appelle Jacques. Vous n'avez jamais lu ça dans Matthieu. Si vous êtes dans la souffrance, souvenez-vous que Jésus a porté toutes vos souffrances. Si vous êtes dans les épreuves, chassez le démon qui est derrière. Tu as lu ça, n'est-ce pas, frère? Non. Il dit... Celui-ci n'a pas la version originale, celui-là. C'est parce que... Lui n'a pas la version originale, n'est-ce pas, frère Laurent? Il ne comprend pas le sens. Bon, lis encore ça. Mes frères... Mes frères, oui. Regardez comme un sujet de joie complète. Stop. On regarde comme un sujet de joie. Non, pas seulement de joie. Complète. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Vous voyez, je dis, quand vous êtes exposé à une situation sur la terre en tant que chrétien, un mondain exposé à la même situation, vous n'êtes pas identique. Quel que soit le niveau de problème que les gens ont dans le monde. Et regardez très attentivement sur les idées de votre Bible depuis la Genèse. La Bible déclare que Dieu appelle la famine sur la terre. Pas vrai? Dieu appelle la famine sur la terre. Vous avez remarqué qu'il a appelé la famille sur la terre, c'est ça qui a conduit que les Juifs, les 11, vont en Égypte pour aller chercher le mil. Mais le mil se trouvait dans le pays des mondains qui sont contre Dieu. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est à un sataniste qu'il a donné la révélation comment sauver le monde. Pas vrai, frère? Le rêve est venu par Pharaon. Un sataniste. Vous devez repenser Dieu là-dedans. De toute façon, on doit corriger notre foi. Alors, Dieu appelle la famine sur la terre. Il donne la révélation à celui qui contrôle la terre. Il voit sept bœufs gras, sept bœufs maigres. Et puis après, il sera dévoré. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, ok, tu vois ça. Il donne l'interprétation à son serviteur. À partir de ces jours-là, Joseph était le plus grand agrégé. Parmi tous les agrégés qu'on a dans le monde, vous avez vu quelqu'un sauver le monde de la crise? Non. Quelqu'un a sauvé? Non. Il se plan marche, ça ne marche pas. Plan pion, ça ne marche pas. Sonner pour sauver la planète. On a dit que la planète est en danger. Je viens avec l'enseignement, la conspiration mondiale. Le mensonge des chefs d'État, je viens. C'est là la Bible. C'est Dieu qui a demandé, prêche, j'ai écrit, j'ai laissé, attends seulement le moment. Le mensonge. Il dit que le sommet pour changer le climat a des problèmes. Depuis que vous êtes dans votre maison, vous avez créé problème au climat. Qui crée les problèmes? De quels hommes? C'est toi qui crée le problème. Tu as inventé la voiture. La Bible déclare que toutes les saisons là, il les fait varier selon son dessein. Donc s'il dit qu'une saison sera longue plus longue, il va dire changement climatique, c'est parce que la température à l'est a été faite comme ça. Dieu dit que c'est lui qui les fait varier selon son dessein. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et la Bible déclare qu'il dit à la neige que monte, il monte. Il appelle la pluie à lui. Le scientifique dit à l'école que non, le processus de monter, c'est qu'il y a évaporation. Ça, c'est pour eux. Dieu dit qu'il les appelle. Donc Dieu dit pluie, monte. Ça fait. N'est-ce pas, frère? De toute façon, suivez la science. Est-ce que le papa t'a enseigné à l'école? Mais moi, je suis la Bible. Alors, il dit, mes frères, gardez bien le mot. Mes frères, il s'adresse à qui? Chrétiens. Ok. Regardez comme un sujet de joie complète. Il dit qu'il regarde quoi? Comme un sujet de joie complète? Les diverses. Non, il n'a pas dit les épreuves. Faites attention avec les mots qui sont positionnés là-bas. Oui. Les diverses épreuves. C'est pour ça que quand on dit les diverses épreuves, ça dit chacun a son tour. Chacun a son style. Donc, tu as ta part, j'ai ma part. Si on mélange, ça fait divers. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Il veut dire que les épreuves que vous avez sur la terre ne vous surprennent. Réjouissez-vous quand ça vient dire, oh yeah, alléluia Seigneur, je te rends grâce pour ces épreuves. Avez-vous déjà fait cela? Oui. Mais la Bible déclare qu'on doit se rendre grâce pour cela. Remerciez le Seigneur. Mais c'est chaque nuit, on pleure, Seigneur, mais voilà, m'insulte parce que je suis pauvre. Mais voilà, m'insulte parce qu'il n'y a pas de travail. La Bible déclare, réjouis-toi. Donc jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de là où les épreuves ne nous font pas mal. Mais ça nous donne de la joie. Il dit, mais dans la Bible, c'est autre chose. Vous allez dans la Bible, vous voyez les gens, c'est autre chose. L'apôtre Paul délivre quelqu'un dans Actes apôtres chapitre 16. Vous savez la personne, n'est-ce pas? La Bible déclare que les maîtres de la servante, voyant la perte de leur gain, ont fait jeter l'apôtre Paul et Silas en prison. Qui entre en prison étant content? Et en prison, était fâché? Non. Si c'était ma amie pentecôtiste, qu'est-ce qu'il devait faire aujourd'hui? Nuit de prière en prison. Seigneur, nous envoyons le feu sur les yeux des juges. Le type là qui nous a venu briser ses dents. C'est toi qui as dit à David que ses flèches tombent dans son cœur. Vous piquez comme ça par la foi. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a même les machettes spirituelles maintenant. Des nuits de prière. Si on ne dit pas qu'on appelle les machettes physiques pour tailler les démons qui sont spirituels, c'est avec la main qu'on fait. Vous voyez, une femme fait un état de feu comme ça. Je taille. Après, il va dire qu'on lui masque le corps lui fait mal. Comment le corps ne peut pas lui faire mal? On taille les démons, mon frère. On taille les démons. Quand elle fait comme ça, elle rentre, les couches de nuit continuent. Si ce n'est pas le même nuit là que c'est plus intense. On a des problèmes. On a des problèmes. Alors il dit, mes frères, regardez comme quoi un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Puis il va expliquer le pourquoi des épreuves. Ça veut dire, l'apôtre Jean a dit ici que les épreuves qui vous sont exposées n'ont pas pour but de vous détruire, mais recherchent quelque chose dans votre vie. C'est-à-dire, on doit honorer Dieu derrière ces épreuves-là. Souvenez-vous, il a dit les diverses épreuves. Si ça t'arrive, c'est pour cela que si tu commences à citer seulement, peut-être s'il ne cite pas un, tu vas dire que ta part n'était pas dedans. Mais Dieu merci, diverses. Tu cites ta part n'importe comment, ça sera dedans. Diverses épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Stop. Donc en réalité, Dieu nous enseigne ici qu'en réalité, ce qui fait, qui pousse les gens à ne pas vivre par la foi, c'est l'impatience. Sachant que tous, nous sommes impatients. En fait, s'il y a une génération à qui s'adresse ce passage, c'est notre génération. s'il y a une génération, à laquelle s'adresse cette génération-ci, j'aimerais que quelqu'un me lève la main, c'est celui qui va au travail à 7 heures et qui met le macabo au feu à 7 heures pour manger, pour partir. Vous avez compris la question qui est posée? Quelqu'un prépare-t-il le macabo le matin, manger avant de partir au travail? Pourquoi, frère? Elle demande. Pourquoi? Parce que ça va prendre trop. Donc il faut le fast food. Fast food, on est pressé. Time is money. Il faut qu'on soit pressé. Parce qu'il faut qu'on gagne en temps. Et par conséquent, on met la catégorie espresso. Tu mets la pièce là-bas, le café sort là-bas, déjà fait. Tu mets la pleure là, pizza sort là-bas, tu manges 2 jours, 3 jours. Après, le coup commence à sortir ici. Vous avez les rondelles sur ici. C'est comment? Tout juste à côté de l'espresso se trouve maintenant le. Vous appelez l'espresso 3Z sur H. C'est 3H sur Z. Ou une vibro, ma soeur. Tu entres chez eux, tu quittes l'espresso et les pizza. Tu entres là-bas pour sortir de ceinture. Pendant que tu travailles, ça te fait vibrer comme ça. Après, tu vas devenir comme Johnny Bravo. Alors, on a des problèmes. Le problème, ce n'est pas Johnny Bravo, le 3Z, H ni espresso. C'est dès le départ. L'impatience produit le manque de foi. Et donc Dieu veut montrer quoi? Il veut travailler dans le chemin inverse. Il veut traiter les mots à la racine. Pour que votre foi soit fonctionnelle comme la parole le dit, on doit traiter sur l'impatience. On va arriver là-dessus. L'impatience. Donc en fait, Dieu veut nous dire qu'en réalité, que vous l'admettez ou non, que vous le vouliez ou non, et je vous ai toujours dit ça ici, tout dans la nature montre la patience. Tout. Tout nous apprend la patience. Tout. Tout ce qui est naturel nous présente la patience. Tout. Vous plantez, c'est la saison des mille ici, des maïs. Vous mettez votre maïs au sol. Sois pressé, tu vas voir le maïs. Va le lendemain chercher le maïs. Tu vas voir, frère. Non. Tu dois attendre jusqu'à ce que la période de récolte soit pour que ça puisse sortir. Que tu le veuilles ou en période de mangue. Tu dis en juin qu'il veut manger, je vais sucer la mangue. Attends ton juin, tu suces la mangue. Ce n'est que les gens des agricultures que tu peux aller sucer. Et quand tu suces la mangue, tu sais effectivement que tu as sucé le poison. Pas vrai? Alors, Dieu a fait toutes choses bon pour son temps. Il a dit que chaque chose doit produire selon sa saison, selon sa sémence. Alors, tout ça, c'est pour nous apprendre quoi? La patience. Dieu dit, le problème de notre foi ici, c'est l'impatience. Et comment il fait pour résoudre cela? Les épreuves à laquelle nous traversons. Donc, quand tu vas quelque part, on te dit, ma chère, tu es atteinte de VIH. Tu as le cancer des poumons, le cancer des seins. Le cancer n'est pas un problème. C'est, qu'est-ce que ce cancer s'est venu faire? Quel est son rôle? C'est-à-dire que j'aimerais que quelqu'un qui dit qu'à la fois, quand il entend que j'ai le VIH, tu dis Seigneur, je te rends grâce pour ce VIH-là. Que ce soit vrai dans le cœur. Et voyez Dieu à l'œuvre derrière cela. Vous entendez donc que quelqu'un est malade. Ah frère, je souffre. Oui, c'est quoi ma soeur? Je souffre, j'ai tellement prié. Et puis il y a une soeur qui venait me dire qu'il y avait une femme là qui guérit. Je suis aussi parti là-bas. Je me suis trompé, je suis encore rentré. Mais elle a tellement prié. Bon, tu priais qui? Dieu. Le barbeau, c'est qui? Satan. Donc, Dieu a tellement été faible que c'est Satan qui doit traiter. On a des problèmes. Les épreuves de notre foi. Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la durée des épreuves qui sont dans votre vie, tant que la patience n'a pas été terminée, même tu montes, tu descends, ça doit sauf que continuer. Jusqu'à ce que Dieu juge. Parce que quand vous composez votre examen, ce n'est pas vous qui corrigez les feuilles. N'est-ce pas, frère? C'est le correcteur qui corrige pour dire que non, ici tu as trouvé, ici tu n'as pas trouvé. Continuons. Afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Donc, en réalité, les épreuves nous conduisent à la foi parfaite. Les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés dans la vie, nous sont là pour nous conduire à la foi parfaite. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce passage d'Hébreux chapitre 11, verset 6 veut dire, si vous n'avez pas la foi, ne priez pas. Si vous priez sans la foi, vous tentez Dieu. C'est ce que la Bible entend dire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, ne prie pas. Si tu pries sans avoir la foi, tu tentes Dieu. Ne tentez pas le Seigneur. Si vous voyez sur un sujet, on dépose quelque part. C'est pour cela que ces choses de réflexion. On dit Amen, les gens disent Amen. Vous lisez 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 à verset 22. La Bible déclare que c'est en lui. En lui, c'est le oui et Amen. Ça ne peut pas être oui et non. C'est, n'est-ce pas? Alors on dit que c'est pour cela que même dans les églises, Amen est dit par lui. Quand Amen est dit, vous appelez Jésus la frère. Amen, c'est l'autre son nom. Vous savez ça? Voilà. Alors, si vous dites Amen, vous avez amené le Seigneur Jésus-Christ à être d'accord avec vous. Et vous êtes d'accord avec lui. Et vous allez poser un autre acte qui est contraire à ce que vous venez de dire. Ça veut dire définitivement, vous ne croyez pas. Vous n'êtes pas des croyants. Donc, sinon, comment expliquer que quelqu'un qui dit chrétien va au bout et prie jusqu'à un moment donné, il dévie pour aller chez le marabout. Je vais vous expliquer. Ou à l'origine, où était ta foi. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait, qu'il fait jusqu'à ce que la chose coule là, en réalité, il ne croit pas. Il veut seulement que la circonstance là quitte. Et par conséquent, n'importe quel moyen que ça peut quitter est normal. L'homme de la foi, c'est celui-là. Regardez votre livre, Bible, Hébreux chapitre 11, allons-y. La correction de notre foi. Donc, si nous prions selon la parole de Dieu, nous devons l'accompagner avec l'action liée à la parole de Dieu. Si nous prions selon la parole, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, nos actions doivent aller dans le même sens que nous avons fait. Nous ne pouvons pas prier en disant que, en confessant de la bouche que ceci. Souvenez-vous que la parole qui est dans notre bouche doit être relâchée par la foi qui habite notre cœur. C'est la parole qui sort de la bouche de celui qui a foi en Seigneur Jésus-Christ qui fait devient esprit et vie. Sinon, ça reste l'être mortel que c'est écrit ici. Mes chers frères, la correction de notre foi. C'est vrai, on dit que je lis la Bible. Si quelque chose est écrit dans la Bible, je lis, je dis, oh Seigneur, je crois ceci. Quand il dépose ça, il fait le contraire, il y a un problème. Il faut corriger ceci. On avance. Chapitre 11 d'Hébreux. Verset 6 encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, écoutez très attentivement, croit que Dieu existe. Première condition. Quand tu as cru, il dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que, dès que vous venez à Dieu, vous devez croire qu'il existe. Ça, au moins, pour beaucoup de personnes, remplit ces conditions. Mais maintenant, vous devez savoir que Dieu est le solutionneur. Comme vous avez venu, ça veut dire que vous devez sortir avec la solution. Ça veut dire que vous devez sortir avec la solution. Alors, chapitre 4, verset 16, voilà, disons ce que le chapitre 4, verset 16 dit. Regardons le chapitre 4, verset 16. Vous y êtes. La correction de notre foi. Regardez, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Si on ne dit pas avec assurance, on peut dire avec confiance. Avec encore foi. Avec foi. Approchons-nous donc avec foi du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous avez vu comment le Saint-Esprit a mis ça ici dans nos besoins. Parce que ton besoin peut ne pas être mon besoin. Quel est le besoin que tu as? Il faut s'approcher avec quoi? Où? Le trône de la grâce. Ça veut dire que la grâce a son trône. Quand on vient vers ce trône-là, c'est pour obtenir la grâce et la miséricorde pour n'importe quel besoin. Ça veut dire en réalité, le Saint-Esprit veut nous dire que tous nos besoins trouvent leur accomplissement et leur exaucement, mais à condition que le câble soit bien fixé. La correction de notre foi. Ça veut dire ce n'est pas à Dieu le problème. Le problème se trouve de notre côté. Vous avez, quand les agents de l'électricité plantent le courant jusqu'à sur le poteau et mettent sur le compteur dans votre maison, vous dites, vous avez branché le câble, vous avez mis les dominos, vous allumez la lumière, regarde celui-ci est venu en dernier, il est en train de dormir. Après son téléphone va tomber. Et puis vous allez à la maison, vous appuyez sur l'interrupteur, vous dites la lumière ne vient pas. Et puis vous appelez l'agence, vous dites la lumière ne vient pas. Il dit que la lumière vient chez vous. Vous avez la lumière dans votre quartier. Vous testez. Et puis vous allez là-bas, vous avez vu que le domino n'était pas bien connecté. Il suffit seulement de connecter de la bonne façon. Vous connectez la lumière là. Parce que la source d'énergie en train de venir. Connectez-vous. Donc du côté du Seigneur, c'est le oui et amen. De notre côté, on a besoin de foi. Et ce style de foi-ci, qu'est-ce qu'il dit que c'est quoi? C'est qu'il en train de dire. C'est la connexion avec lui. La connexion, c'est ça dont il est question ici. La connexion. C'est parce que tous les gens que nous allons voir ici là maintenant, c'est parce qu'ils étaient connectés avec lui qu'ils pouvaient savoir que quelque chose est sur le point d'arriver. Ce style de connexion-ci, c'est la révélation. Il doit avoir dit quelque chose. Souvenez-vous, si c'est la Bible que vous lisez et que vous regardez ça tranquillement, si vous agissez selon les saintes écritures en unisson dans la foi, étant dans la vérité, vous avancez avec le Seigneur. Mais si vous lisez la Bible comme un site de récitation, comme les gens envoient ses prières, voici la prière qui est faite pour toi. Si tu aimes 20 personnes, envoie-y en moyen compris, tu seras béni. ça a béni 10 personnes, dans les 10 secondes, tu auras 10 choses. Vous faites déjà des choses là, vous êtes des marabouts. Alors la Bible déclare ici que sans la foi, dans ce chapitre 11, le verset 6, que oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Testez donc vos vies maintenant, pendant que la Bible en est de 10 là. Testez tous les événements et les épreuves que vous traversez chaque fois maintenant. Les événements que vous avez eu à rencontrer devant vous, ou mieux, ce que vous vivez maintenant. Lorsque vous imaginez ces épreuves-là devant votre vie, avez-vous pensé que c'est pour honorer le Seigneur? Qu'avez-vous fait? Vous savez, ici, on dit à quelqu'un que dans votre entreprise, on va licencier 500 personnes. Les nuits de prière vont commencer cette fois-là. Pas vrai? On va commencer à intercéder. On va dire, frère, intercède pour moi, c'est grave à notre entreprise. Quelqu'un va dire, ma soeur, que nuit automatique pour mon côté, 10 000 à ta droite. C'est pas ça dont c'est la Bible. Dis à ton voisin, ça c'est la Bible. Mais dans cette situation, Dieu va devoir parler si oui ou non, on doit l'enlever. Pour moi, quand c'est comme ça, je regarde que tu n'es pas assidu à l'écriture, tu dis, Seigneur, dans mon secret, prie que Seigneur, enlève-la. Enlève-la. Parce que quand elle t'enlève, tu vas lâcher, elle va te chercher. Si elle t'enlève, tu vas le voir. Chaque jour, tu vas seulement prier. Après, elle les yeux, elle dit, frère, oui, j'ai rêvé comment je suis dans une vente, puis une nouvelle directeur. C'est normal. Elle pense au travail. Quand elle va penser un an, deux ans, ça ne doit pas aller, elle va commencer à voir maintenant que Seigneur, j'ai vu Jean, là, le sang m'a donné Jean 4. C'est pour dire maintenant que c'est bien, lis la parole. C'est ça dont c'est la question. On avance, frère. Verset 7 du chapitre 11. C'est par la foi que Noé. Nous sommes au chapitre 11, là. Chapitre 11, n'est-ce pas? C'est par la foi que Noé, oui. Que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous savez, si on s'attient seulement là-bas pour commencer à parler maintenant, deux heures encore, on nous prendra ici là maintenant. On dit que c'est par la foi que Noé divinement averti. Vous voyez qu'il y a une connexion, n'est-ce pas, frère? Dieu doit avoir dit quelque chose. Ça veut dire qu'il pouvait voir donc ce qui devait arriver. Parce qu'en réalité, si vous regardez les six constants qui se passent là-bas, vous lisez dans la livre de Genèse jusqu'au chapitre 6, il n'y avait pas encore les gouttes de pluie. Dieu n'avait pas encore fait tomber la pluie. Donc avant Noé, avant que les dieux ne passent, aucune goutte de pluie n'était tombée sur la terre. Alors maintenant, les connaisseurs disaient, regarde comme ça, regarde Noé, ta tête tient là, l'eau est sur la tête, il y a l'eau en haut là-bas. Parce que la pluie ne tombait pas à ce moment-là. Quand Dieu a commencé que la pluie, voici le moment où la pluie va commencer à tomber sur la terre. Parce qu'il venait dire quelque chose qui était contraire à la science. Dieu va faire tomber la pluie là-bas. Il va lui justement la terre. Et c'est sûr que les 120 ans que le type s'y a comme ça, ça l'entre de dérégler. C'est un vieillard, il ne connaît plus quoi faire. Depuis le temps de nos enregistrements, tu as entendu qu'une goutte de pluie sommeil en haut? Non. Tu vois, maintenant, la Bible déclare que la terre d'à présent est réservée pour le feu. Quelqu'un regarde à gauche comme ça, il regarde à droite, que le feu va sortir d'où? Attendez. Par la même parole qui a créé la terre. Et que par la même parole est sortie que le diluve est venu. Cette même parole dit qu'il doit pleuvoir le feu sur la terre. Vous entendez ça, frère? Il dit que la terre va dehors. Va rester avec les enfants dehors. Dehors. Va dehors rapidement. Mais il dit, mais la terre d'à présent est réservée pour le feu. Mais on regarde, le feu va sortir d'où? Le feu va brûler cette terre, comme il avait dit l'eau. Il avait dit qu'il n'a pu submerger rapidement. Il n'a pu submerger cette terre-ci par de l'eau. Mais il dit le feu arrive. Mais on regarde la science. Le feu. Non, le feu. Faisons attention. Mais on dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti, voyait des choses. Ça veut dire qu'il y avait une connexion. Il y avait une connexion. Regardez verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Maintenant, si c'est nous, lève-toi, va faire mon œuvre. Seigneur, et mes enfants, alors ils vont faire comment? Je vais payer ma maison avec quoi? Seigneur, je prie que tu me révèles comment je vais faire avec mes enfants. Il a dit, lève-toi, va faire mon œuvre. Pas vrai? Seigneur, je prie, et mon travail, il fait comment? Et on va dire quoi? On dit, c'est pas la fois qu'Abraham partit sans savoir où il quitte la maison de ton père et va dans le pays où je monte. Il se lève, il prend. Oui, regardez bien la foi. Le type de la foi dont la Bible parle, c'est le genre de foi de mouton. C'est-à-dire qu'il traverse la route. J'ai la foi qu'il veut traverser et arriver là-bas. Même si la voiture coigne, ça coigne. Pas vrai, frère? C'est pour ça qu'on nous appelle les moutons. Vous savez que vous êtes des moutons, n'est-ce pas, frère? Hein? Amen. Donc, quand vous attendez le brebis bleu, ça veut dire quoi? Les moutons. Donc, c'est le bon nom là-bas. Les gens qui ne savent pas se diriger. Mais il y a les moutons intelligents maintenant, bien. Très intelligents. Qui regardent à gauche, ils regardent à droite. C'est-à-dire quand Dieu dit que va, il dit où ça? tu as vu le danger qui est là-bas, Seigneur. Donc ils ne connaissaient pas. Quand il a dit à Ananias là-bas, Ananias, lève-toi, va dans telle rue, demande dans une maison un nommé Saul de Tarse. Il dit Saul de qui, Jésus? Regardez Ananias. Il a vu Jésus, Jésus dit Saul de Tarse. Quand il a dit Saul de Tarse, il a dit, hey, cet homme-là, tu ne connais pas. Il a traité les gens, il raisonnait qui comme ça? Donc il donne comme ça des renseignements au Seigneur. Donc peut-être le Seigneur a du mal à se tromper de la personne qu'il a déjà indiqué. Que Saul de qui, Tarse. Il voulait comme ça dire comme Moïse, envoie, tu ne connais pas Élisée de Damas, envoie celui là-bas, le gars est fort, il est fervent d'esprit. Envoie-le pour qu'il ne parle parce qu'il y a le danger en route. Il savait que Saul, il informe même le Seigneur qu'il a ici le pouvoir des sacrificateurs d'amener les gens qui sont invoqués ton nom. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur prend les choses folles du monde pour confondre. Et donc là, si le Seigneur dit à Ananias, va. Il ne dit pas Ananias ce qu'il a fait avec Saül. Pas vrai? Il ne dit pas comment il l'a transformé. Mais le renseignement que Saül a, que Ananias a, c'est que Saul est méchant, dangereux. S'il y a quelqu'un à choisir, ne le choisis pas. Il y a le bon type ici là qui peut faire ton œuvre. Mais c'est celui-là qu'il a choisi. Maintenant, quand il a vu la révélation, quand il est entré, il dit Saul, mon frère. Vous voyez? Ça contraste avec la discussion qu'il avait avec le Seigneur. Il dit Saul, mon frère. Le Seigneur qui t'a apparu en route m'a envoyé pour que tu reçoives la vue, que tu sois baptisé. Il lui impose, mais le Saint-Esprit vient. Le Seigneur a dû le convaincre que c'était son frère. Si il ne vient pas, il chasse le son là au nom de Jésus parce qu'il connaît ça. Il faut que Dieu parle dans ces circonstances. Il faut qu'il parle. Vous avez n'importe quelle épreuve qui vous traverse, ça vous dépasse, vous comptez sur l'homme, vous allez échouer. Parce que chacun conspire. Enfin, quand vous fréquentiez, vous étiez sur l'épreuve. Vous avez vu un jour, dans une épreuve donnée, on dit que épreuve en commun. Hein? Non. Dans les épreuves qui se l'espèrent, on dit que écrivez votre nom, votre numéro de table. C'est pour ça qu'il y a les surveillants qui surveillent comme ça là. Ici, Dieu ne nous surveille pas. Vous montez, vous descendez, on ne triche pas les épreuves ici. Dans cette école-ci, on ne triche pas les épreuves parce que ce n'est pas ton voisin qui est impatient, c'est toi. Tu dois être patient. Quand tu ne comprends pas, tu vas redoubler. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Vous voyez effectivement que rester avec la veste, porter la veste, réciter la parole de Dieu que je brise au nom de Dieu, je brise au nom de Dieu. Finis de faire ça. Quand tu vas rentrer, il n'y a pas la nourriture, tu vas savoir ce que la parole de Dieu dit dans ces circonstances. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à faire? Rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que se trouvent les secrets de nos vies. Rentrer dans l'intimité. Au lieu de passer le temps dans les programmes, oh, je m'en vais par là-bas, je m'en vais par là-bas. Nous allons sortons, aller prêcher aux perdus. Toi, tu es trouvé. Quand il vient, maintenant, tu lui injectes tes impatiences. Or, si vous respectez le secret du Seigneur, le Seigneur vous donne la révélation sur vous, sur votre maison, sur les autres et sur sa direction. Maintenant, on sort, on laisse là. Hey, Seigneur, les gens périssent dehors. Donc, tu connais mieux que le Seigneur. Dans la Bible, quand il a écrit dans ses proverbes, chapitre 22, là, il a dit que je vais t'instruire. Il a dit qui? Il a dit qui? Moi. Il a dit qu'il veut t'instruire chacun de vous. C'est-à-dire quand tu ouvres la Bible, il pointe le doigt sur qui? Quand Dieu dit qu'il veut t'instruire, il n'a pas dit qu'il veut instruire le voisin. Il veut t'instruire. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Tu dis, non Seigneur, sauve telle personne, ma famille va périr. Le Seigneur, aie miséricorde de ma famille. Toi-même, tu n'es pas sûr que tu vas entrer. Une tribulation arrive, prrr, te voilà maintenant à terre. Tu cherches maintenant pasteur après pasteur, prophète après prophète, c'est pas ça. Regardez très attentivement. Dieu peut laisser prophète sur la terre. Passer sur la terre, venir dans ta chambre pour parler avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrons dans le secret. Cherchons là où il a fait résider son nom. J'arrive. Là où il a fait résider son nom. En ce lieu-là seul que vous pouvez le trouver. Souvenez-vous de cela. Cherchez le Seigneur là où il a fait résider son nom. Si vous ne trouvez pas, vous allez à Gilgal ou à Silo. En tout cas, dans Jérémie chapitre 17, vous avez vu ce qu'il a écrit là-bas. Il a dit, allez là-bas, regardez Silo. Regardez comment j'ai traité Silo. On arrive. Alors, on a besoin de la reconnexion avec le Seigneur. Cherchez cette intimité avec lui jusqu'à ce que vous retrouviez. Quand vous retrouvez cette intimité, personne ne pourra plus jamais vous tromper. C'est ça dont il est question maintenant. Et c'est, je prie Seigneur que tu fasses pleuvoir pour que personne ne pense à rentrer. Il faut qu'il fasse pleuvoir, n'est-ce pas? Et écoutez, même si on coupe la lumière, il veut parler parce qu'on n'a pas besoin de cette Bible-là. Vous allez entendre sauf que ce qu'il veut dire là-dedans. Alors, on a besoin d'être connecté au Seigneur pour avoir des informations sur nous, sur la direction qu'il nous donne, sur la direction qu'il veut pour nous et éventuellement pour le monde. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, on entend telle chose par-ci, on entend telle chose par-là, on ne sait plus quelle direction prendre. Ok, si tu entends comme ça, s'il y a diverses voix qui te dérangent, il n'y a qu'une seule solution. Rentrez toi-même, écoutez. Rentrez, même dans la nature, c'est comme ça. Quand on entend diverses opinions de ceci, telle personne, telle personne, vous faites comment? Vous rentrez à la source, non? Pour vérifier ce qu'il en est. C'est exactement ce que vous allez appliquer sur le plan spirituel. Oh, telle personne avait dit comme ça, telle personne a dit comme ça. Voilà la Bible devant vous. Ta Bible n'est pas la Bible du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui a écrit ta Bible. C'est une personne qui l'a écrit ta Bible. Ils ont fait seulement l'honneur pour traduire et que ça parvient à toi avec, en moyennant ton argent. Donc ça dit que c'est ta responsabilité maintenant de lire et que la personne qui l'a écrit, qui est l'auteur, puisse t'expliquer. Vous le cherchez de tout votre cœur. Écoutez bien, s'il y a un moment sur la terre où le Saint-Esprit se laisse trouver, c'est maintenant. C'est maintenant. Je prie seulement que ce qui va arriver en Afrique, que Dieu me permet de vivre cela même avant de partir. Je vous le dis, ce qui arrive pour l'Afrique passe, pour le Cameroun. Vous voyez dans les carrefours, les gens se prosterner, adorer Dieu comme ça, les gens voyant le Saint-Esprit tombant sur les gens. Ça arrive. Ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça. Préparez-vous dans l'intimité. Préparez-vous dans la prière. Préparez-vous. Les difficultés viennent, restez dans la prière. Les difficultés viennent, restez dans la prière. Vous avez entendu sa voix dire aujourd'hui que les difficultés ne sont pas faites pour vous détruire. Vous avez entendu, il a dit cela. Ce n'est pas fait pour vous détruire, mais c'est fait pour vous conduire davantage à lui à parfaire votre foi. Vous avez entendu, il a dit cela, pas vrai? Alors ça veut dire que désormais, considérez cette difficulté-là comme votre collège. Considérez les difficultés et les diverses épreuves comme votre collège. Vous entrez dans le collège. Si vous voulez qu'on vienne vous trouver là-bas, on va venir vous trouver. Si vous voulez vieillir là-bas, on n'aura pas dit que non, tu as trop duré ce collège, on te donne le diplôme, tu sors. Chez les gens, les mondains, ça peut se passer. Au monde, ça peut se passer. Le père, s'il peut aller voir son fils, que le directeur, là, j'ai fréquenté avec lui, donne le diplôme à mon fils. Chez Dieu, ce n'est pas négociable. Si vous êtes son fils, Hébreux chapitre 12 dit, si vous êtes exempt au châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Il châtie ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si tu as reconnu pour ses fils, prépare-toi au châtiment. Et il a dit qu'il ne châtie pas cela pour que nous soyons hérités, mais il châtie comme ça afin que nous participions à sa sainteté. Donc Dieu veut nous conduire à la perfection. Comme il a dit ici dans Jacques chapitre 1. Il dit que cette épreuve-là, il faut que ça soit, ça parcourt vraiment son rôle jusqu'à ce que vous ayez au niveau parfait, sans broncher, sans faillir en rien. N'est-ce pas, frère? Oui. Voilà. Maintenant, au chapitre 13, allons au chapitre 13 maintenant, on va voir quelque chose. C'est l'application claire de tout ce que nous sommes dit ici aujourd'hui. C'est-à-dire une situation qui est posée et c'est que Dieu dit. Nous allons au chapitre 13, nous allons lire les versets 5 et 6, le chapitre 13 d'Hébreux. Regardez par exemple, ça va dire ici, le Saint-Esprit nous dit ici qu'il y a une circonstance qui est donnée. Il y a une circonstance qui est prêchée. Il y a une circonstance qui nous entoure, qui entoure quelqu'un. Et puis Dieu dit quelque chose. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Stop. Vous savez comment les gens se livrent à l'amour de l'argent sur la terre? Écrivez à côté de ces passages-là, Proverbe chapitre 2. Lorsque vous allez méditer, passez-y le temps, vous lisez Proverbe chapitre 2, vous lisez chaque fois ce verset 5. Vous lisez Proverbe chapitre 2, dès que ça finit, lisez le chapitre 2 des Proverbes. Vous lisez Proverbe chapitre 2, vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 5. Maintenant, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pensez-vous que l'Église a entendu ce verset et a bien compris? Non. Pensez-vous que de façon individuelle, nous obéissons à ce passage? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Si quelqu'un a le travail à 7 heures, à quelle heure se lève-t-il, frère? 5 heures. Il a préparé son sac, l'a mis là-bas. Il s'est rassuré qu'il a pris sa carte professionnelle. Prend ou telle chose, prend l'habit qu'il va porter. Il faut une femme, le sac noir, si. Il faut qu'il porte avec le talon, si. Il casse avec la couleur, avec le foulard, si. Vous voyez? Il a cassé. Il a préparé quoi? A-t-il le contrôle de ce qui va se passer à 8 heures? 9 heures? 10 heures au retour? Il y a des gens qui sont quittés le matin pour aller au travail, ils ne sont jamais arrivés. Vous avez entendu que les conteneurs sont tombés sur les gens ici dans la voiture. Ça veut dire que ça devait tomber sur eux. Les projets qu'ils ont sur le cœur vont s'accomplir. Pointe quelqu'un. Il dit, l'homme ne connaît pas son jour. Pareil comme l'oiseau, il est attrapé dans le filet. C'est ce que le sage dit dans la Bible. Vous voyez? Alors, ça veut dire qu'il fait son projet sans Dieu. Et quand il se lève très tôt le matin, c'est quand j'étais au Nigeria, vous savez, ces choses-ci. J'étais au Nigeria, à Abuja, j'étais couché avec un garçon, là, l'un de mes meilleurs amis du monde, Sylvester. On est couché au lit, 5 heures, vous savez, 5 heures l'horloge. Il tape Sylvester, lève-toi, on prie. Bon, là-bas, c'est vous louez ou pas, vous allez entendre la prière. Batsa crie partout. Très tôt le matin, vous voyez, il met la main sur le dos. Sylvester, il le tape, Sylvester, il est 5 heures, lève-toi, on prie. subitement ça sort de sa bouche. In the morning, early in the morning. Frère, il est en train de dormir. In the morning, I will rise and praise the Lord. Il est rise, frère. Il est couché, comme ça. J'ai fait ça, j'ai observé une fois. Le lendemain, 5 heures. Sylvester, lève-toi. In the morning, c'est le réflexe. In the morning. En temps, il dort. Vous savez, quand on fait ces choses avec le sommeil de 5 heures, c'est bien. Ah, Satan nous a piégés. Le sommeil de 5 heures, surtout quand il pleut. Tu dis que lève-toi, on prie. Il dit, oh. Vous entendez quelqu'un dire, donne-moi encore 5 minutes. Donc il va dormir pendant 5 minutes. S'il ferme les yeux, ok, 5 minutes. Tu devrais dire, mais est-ce que 5 minutes est arrivé? Parce que le sommeil est sucré. Mais maintenant, frère, que son patron lui ait dit que c'est 6 heures et que tu vas c'est 5 heures. Le sommeil disparaît. Automatiquement, il se lève directeur parce qu'il y a la rémunération physique. Comme Dieu tarde 3 à rémunérer, lui va comprendre. Ah, c'est un patron qui n'exige pas trop, pas vrai? Mais ici, Dieu dit, dans ce Hébreux chapitre 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais il dit, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Stop. C'est ça dont les questions maintenant. Alors, regardez bien, quand vous voyez car Dieu lui-même a dit, ça veut dire que c'est pas ça qu'on doit vivre. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'il y a n'importe quel besoin. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça le problème. C'est ça dont l'accompagnement de la foi par les actes. Je m'en tiens à ce que Dieu a dit. S'il y a une situation bien donnée, Dieu doit avoir dit quelque chose. Maintenant, j'ai dit, voici une femme qui est stérile, comme je dis depuis ici. Et puis vous dites, ah, comme Sarah dans la Bible. Ça, c'est ce qui est écrit. Vous avez remarqué la différence, n'est-ce pas? Dieu a écrit pour donner le renseignement qu'il est le Dieu qui donne l'enfant à ceux qui sont stériles. C'est le renseignement qu'il voulait donner. A-t-il dit que tu es dans le cas de Sarah? C'est pour cela que la connexion est nécessaire. Pour qu'il dise quelque chose par rapport à toi. Et donc, si dans la prière, Dieu donne une promesse, c'est à cette promesse qu'il faut s'en tenir. La Bible déclare au verset 37 là du chapitre 11. Si vous lisez le verset 37, la Bible déclare que les femmes recouvraient leur mort par des résurrections. Pas vrai? Amen. Ah, vous avez moi, frère. Amen. Lise-moi le verset 37 du chapitre 11 ici. 37. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Oui. Ils moururent tués par l'épée. Oui. Ils allèrent ça et là vêtus de peau du brebis. 35. À 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Oui. D'autres furent livrées au tourment. Et ils ont fait comment? Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous avez entendu ça, frère? Donc il y a même d'autres que on voulait les délivrer, ils disent laissez-moi tranquille. Laissez-moi, je m'en vais. On peut faire ça aujourd'hui? Quand on dort seulement, le Seigneur passe, même si c'était pour le voisin, dit Seigneur, il chasse l'esprit de mort qui rôde autour de la maison. L'esprit de mort garde des familles. Une personne est morte dans le quartier, une personne est morte dans le quartier. Le réflexe, c'est que non. C'est-à-dire que la mort est en train de guetter. Vous savez, comme là, cet homme-là qui était à l'hôpital, c'est pas qui. Il est allé à l'hôpital, dans un hôpital, on a mis, il y avait un lit, 5 personnes dans la même salle. Il a remarqué, le jour qu'il est entré, la personne qui est dans la porte est décédée. Le lendemain, une autre personne est décédée. L'avant-dernier, il y avait 2 personnes avant lui. Quand elle a vu comme ça, elle a dit allez-moi dans cette chambre-ci. C'était en série, il a dit que l'esprit du monde le suit. On n'a pas enlevé là. Il s'est levé lui-même, il sautait. Il dit que sauter sur un pied est mieux que de mourir. Vous voyez ça venir. Mais là, je vous pose la question. Vous êtes chrétien, vous êtes couché, vous voyez les gens sont en train de mourir en se dirigeant. Vous ferez quoi? Même reflète pas, peut-être vous sauterez que par la fenêtre. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que les circonstances, nous sommes aguerris aux circonstances, bien aiguisés aux circonstances. Mais nous ne comprenons pas que les choses les plus terribles qui nous traitent sont dans l'invisible. Les choses les plus terribles qui nous traitent sont dans l'invisible. Savez-vous que Satan peut vous envoyer quelqu'un pour vous énerver afin que vous soyez en colère pour que le démon puisse entrer en vous, frère? Savez-vous ça? C'est-à-dire que quelqu'un vous crée des problèmes en journée. Quelqu'un vous dit, vous créez des problèmes dans ça. Il dit, toi, c'est même qui? Donc, toi, c'est même qui? Alors, il dit, hey, Seigneur, pardon, mais à cet instant, c'est trop tard. Savez-vous cela? Oh, maintenant. Si vous continuez à prier la parole, vous savez, à prier par l'esprit, vous êtes dans la parole. Cette chose-ci n'aura pas accès à votre cœur. La personne en train de parler, vous regarde comme ça. Là. Je te parle, tu me regardes comme ça, tu suis la photo. Seigneur, aie miséricorde. Seigneur, aie miséricorde. C'est ici à l'intérieur que ça se passe. Il n'aura pas accès. Alors, la Bible déclare, c'est Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Il y a deux points normalement. S'il fallait citer, on devait ouvrir les guillemets. Il dit quoi? Gênez-vous? Je ne vous délaisserai point. Oui. Et je ne t'abandonnerai point. Stop. Donc, dans les circonstances de la recherche d'argent, Dieu a dit. Et quand il était sur la terre, il a dit cela dans Matthieu chapitre 6, verset 24 et suivant. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir le Dieu de l'argent et le Dieu de la Bible. Vous devez faire un choix. Ne dites pas qu'on, que nous allons manger, que nous devons nous vêtir. Ces choses, c'est le païen qui les cherche. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Ne vous souciez pas du lendemain. J'ai mon avenir, je suis en de vieillir, je suis à 39 ans. Mes égaux ont déjà construit une maison. Vous êtes nés ensemble? Non. Frère, vous êtes nés ensemble? Non. Même si vous êtes sorti du même vent, vous avez le même destiné? Non. Vous avez Esaü et Jacob, ils ont le même destiné? Non. Pointe quelqu'un. Il dit chacun a son lot. Chacun a son livre. Ses bontés. Ses souffrances. Souffrance. Le plus grave, que tu as ton propre cœur. Chaque cœur connaît ses propres chagrins, n'est-ce pas? Chaque cœur connaît sa propre joie. Et donc, un cœur ne peut pas tester ce que l'autre teste. On dit, ah non, frère Junior, il souffre. Vous savez, j'ai des vidéos à la maison que j'ai mises, que j'ai téléchargées exprès. Il y a des vidéos de gens qui n'ont pas deux pieds. D'autres vidéos de quelqu'un qui a la face tordue comme ça. D'autres vidéos de quelqu'un qui a 39 ans, il est petit comme ça, comme un bout de chou. Quand quelqu'un vient à la maison, il dit, frère Junior, je viens te poser mon problème. Je connais bien le problème qu'il a. Je mets les vidéos là en série, mais en boucle. Je laisse là. Quand tu viens, j'ai envie de faire autre chose. Je te laisse tranquille. Tu suis. C'est la vidéo qui en est instruite. Quand tu suis, tu crois que je suis en train de travailler, je suis avec toi, clair. La personne suit comme ça. Vous voyez, quand elle regarde comme ça, cette personne se pose la question. Je mange le manioc. S'il y a la pluie, il se peut fuir. Mais celui-ci qui n'a pas deux pieds, s'il y a le feu, pourra-t-il fuir? Non. Il veut d'abord comme ça. Seigneur, il rend grâce pour mon pied. Après, quand il finit, maintenant, il vient, il éteint la vidéo. Il dit, ma soeur, tu dis que tu as quel problème? Il dit, frère, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Il a compris la leçon. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Vous lisez la Bible aujourd'hui. Il y a des gens qui ont les yeux fermés, les aveugles, qui souhaiteraient lire la Bible. Avons-nous rendu grâce à Dieu pour le fait que nous lisons la Sainte Écriture? Nous avons le pied pour marcher. Vous traversez la route, vous voyez quelqu'un qui marche comme ça. Pour marcher un pas, il regarde l'endroit là comme ça, il dit que mince, comment l'endroit c'est long comme le Grand Canyon comme ça. Pour lui, c'est le Grand Canyon. Quand tu le vois, tu passes comme ça là. Cet acte-là va te faire dire merci Seigneur pour le pas. Regardez bien, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Vous devez comprendre ça à ces circonstances-là. Que ce n'est pas la grâce que tu marques un pas comme ça. Que l'âme se prend un de ton corps, tu vas savoir de quoi il est question. On va te mettre le verre, que prends le verre, tu vas réfléchir comme ça, que comment on faisait pour prendre encore le verre. Tu dis que va, le corps te regarde comme ça, tu regardes, je regarde le verre. Après, maintenant, quand tu prends le verre, tu sais, te rends grâce à Dieu pour le mouvement, ce qu'il puisse faire. Rendez grâce à Dieu pour votre vie, frère. Amen. Rendez grâce à Dieu pour votre vie. Alors, si vous voyez toutes ces choses-là, vous allez voir que si vous souffrez, quelqu'un souffre mieux que vous et plus que vous. Et quand vous allez arriver à l'assistance, là, vous allez dire que non, assistez-le d'abord. Assistez-le d'abord. Pourtant, vous venez comme ça, pour moi et les gens. Vous voulez savoir les urgences? Allez dans le salle d'hôpital. Allez dans le salle d'hôpital et voyez les urgences. Vous allez voir les gens dont les pieds sont assis. On a mis les fers à l'intérieur, attachés comme ça. Ils souhaiteraient seulement qu'on dépose les pieds. L'autre, comme ça, on a mis seulement les choses sur lui. On met le tuyau par ici pour mettre la nourriture. Et toi, tu as la nourriture, tu dis que tu tues le riz chaque jour. Quand tu seras là-bas, tu vas prier que le riz là entre. Rendons grâce à Dieu. Donc, ne murmurons pas dans les épreuves. Parce que ces épreuves-là ne sont pas là pour nous tuer. Alors, ce ne sont pas là pour nous tuer. Si ce n'est pas pour nous tuer, la Bible nous dit, c'est pour nous apprendre à être patients pour que Dieu travaille en nous. Amen. Vous dites, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai 20 ans. Il faut que je réussisse dans la vie. C'est toi qui as fait le faux pour arriver à terme à 20 ans. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça alors que les gens sont nés avant toi, ils sont morts. Les gens sont nés le même jour avec toi, sont morts. Qu'as-tu fait? Tu es trop beau. Ou bien la mort t'aime tellement qu'il t'a éloigné. Il t'a éloigné. Hein? C'est pas ça, c'est la grâce. Et donc là, la Bible nous enseigne que si nous sommes vivants, c'est pas grâce. Si nous respirons, c'est pas grâce. On doit rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand il décide, la chose arrive. S'il décide que c'est le moment d'épreuve, dans ce cas, pourquoi t'es fâché? S'il décide de t'enlever la vie, tu vas faire quoi? Rien. N'avons-nous pas vu des gens? J'ai trouvé des gens dans les hôpitaux. Vous voyez quelqu'un couché sur le lit, un milliardaire. Il souhaiterait seulement avoir un rein, dans ce rein comme ça là, pour respirer. Donc il te voit debout comme ça, il dit que ouais. Donc là, sur celui-là, si vous pouvez faire un acte de magie, tu dis que j'ai fait le rein sort, mon rein sort, ça entre là-bas, tu me donnes ton argent. Il va dire, mon ami, prends tous les milliards là, donne-moi les reins. Mais ça, on n'achète pas. Ça, on n'achète pas. Quand le moment de la mort arrive, on n'achète pas. On n'achète pas. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Je vous ai dit, là, je me souviens d'une femme qui m'avait appelé à l'hôpital à Kintini, là-bas, à la salle des urgences. Vous savez, quand vous allez là-bas, vous descendez un escalier comme ça, les urgences sont quelque part là-bas. Une femme m'avait appelé. On l'avait appelé, c'était une femme qui travaillait dans une société ici. Elle était en urgence là-bas. Vous savez, ils entrent là-bas, on a mis les choses sur eux comme ça. Là, comme, les machines font pile, pile, pile. La femme qui était des gars de ces nuits-là, je viens, elle dit que vous êtes pasteur. Elle dit, ah, J'ai regardé mon corps comme ça, j'ai dit, mais j'ai mis l'école pastorale. Elle dit, vous êtes passé, je vous ai vu en vision venir ici. Alors, vous voyez, à l'hôpital, c'est elle pour elle qui est venue en réalité. Elle est là comme ça, là, mais c'est elle qui suivait les yeux gentils, les gens qui sont sur le lit. Elle est des gardes, mais c'est elle, le problème qu'elle a, ça dépend pour ceux qui sont couchés là. Elle dit que j'étais en train de prier en vision, je vous ai vu venir. Je dis, ok, qu'est-ce qu'on fait là? Je suis allé là-bas prier pour cela. En question de prier pour celui celle qui est sur le lit en urgence, là-bas, le Saint-Esprit me dit, quelqu'un se trouve dans cette chambre-là, il faut prier pour lui. Il vient vers lui, il dit, frère, il peut prier pour toi? Oui. J'ai commencé à parler ces choses-ci. Il dit, tu ne dois pas t'inquiéter, d'ici deux jours, tu vas sortir, tu monteras en haut. Il m'a regardé comme ça. Il avait 13 côtes cassées. T'es le futur pasteur. Il dit, d'ici deux jours, tu sortiras là-bas. C'est ainsi par le Seigneur. Il dit, oui. Il dit, je suis pasteur. Et, hein, t'es pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pendant qu'il était sur le lit, là, il était en train de penser à la personne qui est morte, parce qu'il avait fait l'accident vers l'homme, là. Il était dans la voiture avec un homme, celui qui conduisait. Dans son cœur, il disait, il faut qu'il prenne l'évangile, il faut qu'il prenne l'évangile, il faut qu'il prenne l'évangile. Donc, lui, pour lui, il était en train de regretter que non. Il a fait l'accident, la personne est morte. Ouais, il est mort sans qu'il prenne l'évangile. Il dit, frère, c'est pas toi qui contrôle la vie humaine. Si Dieu avait voulu que tu prêches l'évangile, tu aurais prêché l'évangile. Voilà ce qui devait le guérir. Vous voyez, il était là la culpabilité. Oh Seigneur, j'ai perdu une âme. C'est pas ton âme. Aucune âme ne sera perdue. Parce que le corps pastoral, on leur dit que si tu vois n'importe qui, prêche l'évangile. Prêche l'évangile à toute occasion favorable ou pas. N'est-ce pas, frère? Marche partout à le prêcher. Prêche l'évangile à toute occasion favorable ou lui-même, celui qui dit comme ça, il a passé à offrir, on dit qu'il ne prêche pas là-bas. N'est-ce pas, frère? Donc, c'est pas comme ça. Dans deux, je suis venu là-bas, il était en haut, appelé sorti, avec les futurs là. Mais c'était cette femme-ci qui était la cible. Donc les deux autres, c'était accessoire. C'est elle qui était un vrai problème. Mais vous la voyez en blouse, vous ne savez pas quel est le problème. Bon, il ne dit pas le problème, parce que ce sont les problèmes du médecin. Amen. Amen. Corrigeons nos fois. La parole de Dieu dit une chose. Si elle dit déjà une chose, la chose est vraie. Même si nous ne parvenons pas à croire que c'est vrai, c'est quand même vrai. Amen. Sinon, comment peux-tu croire qu'on a dit que la terre soit et la terre fut suspendue sur le néant, ça sort d'où pour venir? Vous savez que cette petite question qui nous, pour nous mentir, Dieu était où? Lui, s'il y a le vide, Dieu lui-même s'asseyait où? Continuez à poser comme ça les questions, vous allez voir. Qui a créé Dieu? Avant que tous les soirs là-bas, il habitait avec qui? Il était comment? Continuez à poser. Si vous voulez que les cheveux poussent avant, continuez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous a donné un petit temps que nous traversons sur la terre. Faisons tout pour traverser selon sa parole. Amen. Faisons tout pour traverser selon sa parole. Et d'après ce que nous avons de voir ce soir, la parole que nous lisons et que nous disons quoi doit être accompagnée par les actions concrètes suivant cette parole-là. Si ces actions que nous voulons mener dans la vie sont contraires à la parole, on dit que nous n'avions pas la foi. Ça veut dire quelque chose nous arrive. La Bible dit une chose, nous faisons autre chose. Concernant cela, nous manquons de foi, il faut que notre foi soit corrigée. Vous entendez, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Je vais à l'hôpital, on me dit, tu as telle maladie. Vous avez deux alternatives. Vous soumettez à Dieu par la foi et vous y croyez vraiment. Vous faites le ou vous démerdez avec les hommes. C'est comme ça. Bonne soirée. Dans la deuxième partie, on va continuer, d'accord? Remarquez bien que dans le verset 6, il n'y a pas tout lu. Il n'y a pas tout lu, n'est-ce pas? Vous remarquez dans le verset 6 du chapitre 13, il n'y a pas tout lu. Remarquez également qu'on n'a pas lu le verset 11 totalement. On n'a pas parcouru le chapitre 12 des Deutéronome, ni Jean 4, ni Jean 14, n'est-ce pas? Que Dieu notre Père vous bénisse. Que Dieu notre Père vous bénisse.